je veux parler de ce que j'entends par l'intelligence de la pensée. Et je veux faire réaliser et comprendre à l'homme que la pensée ne sert pas l'homme. Il n'y a absolument rien dans le phénomène de la pensée qui sert l'homme. Absolument rien. Si vous saviez jusqu'à quel point rien dans le phénomène de la pensée sert l'homme, vous comprendriez pourquoi l'homme est assujetti aux forces de la vie, aux forces de l'intérieur de la vie. Il n'y a absolument rien dans le phénomène de la pensée qui sert l'homme. Vous pouvez penser tant que vous voulez, ça ne vous servira jamais. Tout ce que ça sert, c'est que ça sert à créer des conditions pour votre épanouissement, pour votre expérience. Mais ça ne vous sert pas en tant qu'être. Ça vous sert psychologiquement, ça vous sert émotionnellement, mais ça ne vous sert pas en tant qu'être parce que cette pensée-là n'est pas créée par vous. Et la seule chose qui sert l'homme, c'est sa volonté et son désir. Mais je vais expliquer le désir conscient. Le désir conscient, il est fractionné dans la conscience humaine. Et quand je dis qu'il est fractionné, je dis qu'une partie de ce désir conscient-là vient à la pensée de l'homme par le biais de la pensée. Quand un homme est conscient, le désir ne vient pas à lui par le biais de la pensée, il vient à lui par vibration. C'est simplement une impulsion vibratoire qui ne nécessite aucun support astral et qui ne nécessite aucune continuité de pensée. C'est simplement une impulsion. C'est une impulsion énergétique. Et si l'homme est conscient, c'est-à-dire que si l'homme n'est pas affaibli par sa pensée personnelle, si l'homme n'est pas attaché à sa pensée personnelle, si l'homme ne vit pas de pensée personnelle, il vit de l'impulsion du désir. Et cette impulsion-là est très puissante, elle est très réelle, elle vient du réel, et elle est connectée à la volonté cosmique de l'homme, et elle est exprimable, et elle est rendable au niveau de la vie, proportionnellement à la volonté de l'individu. Je vous donne un exemple très concret de ça, pour expliquer le phénomène de l'impulsion. Quand vous avez faim, vous ne pensez pas. C'est une impulsion sur un plan inférieur. Au niveau du corps de désir, c'est la même chose. C'est une impulsion dans le mental supérieur et c'est à l'homme de percevoir cette impulsion et de ne pas laisser rien sur les plans inférieurs faire interférence avec cette impulsion-là. Et à ce moment-là, l'homme concrétise dans le plan matériel une énergie qui lui sert de support de vie et qui lui permet de vivre bien. C'est extrêmement étranger à l'esprit de l'homme de penser ou d'être expliqué que la pensée ne sert pas l'homme. Et la pensée dessert l'homme à un tel point que la condition de vie planétaire aujourd'hui qui existe dans le monde est le produit de la pensée. La condition de vie de l'homme moderne provient de la pensée. Un homme n'a aucunement besoin de penser pour vivre. Il n'a aucunement besoin de penser pour se reconnaître dans la vie. Il n'a aucunement besoin de penser pour vivre sa vie à la hauteur de son mental. Il a besoin d'être sensible à l'impulsion de l'individu. Dans le phénomène de la pensée, il n'y a aucune intelligence. Il y a simplement une réverbération sur un plan mental inférieur de cette énergie extrêmement puissante qui est en résonance avec le caractère et le tempérament de l'individu et c'est ce qui donne à la pensée humaine sa fonction c'est ce qui lui donne son but, et c'est ce qui lui donne son élan dans l'espace psychique de l'homme, et qui lui permet de faire ou de créer sur le plan matériel telle chose, telle chose, telle chose. Un ego qui est habitué à penser trouve très difficile de réaliser que sa pensée ne lui sert pas. Parce qu'un ego qui pense ou un ego qui se sert de sa pensée pour mettre de l'ordre dans sa vie ou organiser sa vie d'une façon créative est obligé de passer par le phénomène de la pensée. Sans ça, s'il ne passe pas par le phénomène de la pensée, il se sent en suspension. Et le point que je veux faire, il est là. C'est quand que l'ego vit une sorte de suspension, une sorte d'incapacité d'agir, l'ego doit savoir que c'est là que c'est important de ne pas penser et d'attendre que l'impulsion change. Et d'être capable à ce moment-là de se servir de l'énergie de cette impulsion et d'activer cette impulsion dans quelque direction qu'elle lui convienne. Parce que l'impulsion qui vient du désir cosmique de l'homme est toujours proportionnelle à sa destinée. Elle fait toujours partie de sa destinée. Elle est sans erreur, cette impulsion. Elle est absolue. Et comme elle est sans erreur, elle possède en elle un pouvoir d'organisation matérielle, un pouvoir d'organisation au niveau des événements de la vie. Elle possède un pouvoir car elle est pouvoir, cette impulsion. Et elle fait partie de ce qu'on peut appeler un désir cosmique, ou autrement dit, un désir dans lequel le prépersonnel et le personnel sont liés et fusionnés. Et avant que l'homme puisse fusionner sur tous les plans de son être, mental, émotionnel, vital, il doit être capable de fusionner dans le mental, afin de développer ce que j'appelle l'éther mental. Parce que l'éther mental, c'est très important pour l'homme, puisque l'éther mental, c'est l'énergie ou l'atmosphère dans laquelle l'homme vit au niveau de son expérience mentale, comme il y a un éther astral, comme il y a un éther vital, comme il y a un éther physique. Et l'homme doit apprendre à vivre dans l'éther mental, et pour vivre dans l'éther mental, il faut qu'il apprenne que ses pensées ne lui servent pas, et que ses pensées lui troubleront toujours l'esprit, et que ses pensées lui apporteront toujours une certaine confusion, et que ses pensées ne lui indiqueront jamais parfaitement le chemin dans lequel l'avenir doit être vécu. Ses pensées lui permettront de sentir le futur, mais ses pensées ne lui permettront jamais de connaître l'avenir, parce qu'un homme ne connaît pas l'avenir par la pensée. Un homme connaît l'avenir en la créant, l'avenir, et il la connaît lorsque l'impulsion passe en lui, et c'est la seule façon dont connaît un homme l'avenir. Et si un homme est capable de recevoir l'impulsion et de ne pas troubler l'impulsion avec, et de ne pas mélanger le phénomène de l'impulsion avec le phénomène de la pensée, il connaîtra son avenir. Mais ne pourra pas s'assurer de son avenir par le phénomène de la pensée. Il sera assuré de son avenir simplement par le fait de la présence de l'impulsion en lui. Whatever time it takes, ça sera là. L'impulsion ne vient pas à l'homme quand l'homme le désire. La pensée vient à l'homme quand l'homme le désire. L'impulsion ne vient pas à l'homme quand l'homme le désire. Elle vient à l'homme par surprise. Elle vient à l'homme dans son temps. Elle vient à l'homme quand c'est le temps, l'impulsion. Et quand elle vient, à ce moment-là, l'homme sait que le temps est proche. Et si je dis que la pensée ne sert pas l'homme, je découpe d'un seul trait la valeur psychologique de toute pensée humaine. Et je retire de toute pensée humaine la valeur émotive que met l'homme dans la pensée humaine pour se rassurer au niveau de son ego. Et automatiquement, je crée la fondation pour la formation chez l'homme d'un éther mental. Un éther mental, c'est une atmosphère énergétique qui fait partie de l'homme, et qui se raffine de plus en plus au fur et à mesure que l'homme réalise qu'il n'a pas besoin de penser pour orienter sa vie, pour vivre sa vie. Et lorsque l'homme commence à former l'éther mental, il s'aperçoit de deux choses. Premièrement, qu'il n'a plus le bon plaisir de se servir lui-même des forces de vie, mais qu'il a le pouvoir de se servir pour lui-même des forces de vie. Il ne se sert pas lui-même des forces de vie, mais il se sert pour lui-même des forces de vie. Il y a une nuance très délicate. Dans le phénomène de se servir lui-même des forces de vie, l'homme pense pour essayer ses accaparements. Il se sert lui-même. Il fait ses erreurs. Lorsqu'il se sert pour lui-même des forces de vie, il arrache à l'état mental les forces qui ont été créées dans cet état mental-là pour créer son être. Et quand je dis qu'il les arrache, je dis qu'il les arrache. Parce que déjà, ces forces font partie de son état mental. Alors, l'homme de demain créera son avenir en arrachant de l'éther mental qu'il aura créé les forces de vie dont il aura besoin pour créer son avenir. Et le phénomène d'arracher des forces de l'éther mental, ces forces qui sont là, latentes, est proportionnel à sa volonté, c'est-à-dire que c'est proportionnel à sa capacité de comprendre que la vie ne doit pas être amené à lui, par lui, mais pour lui. Si tu veux une robe, tu vas chez Eaton, le besoin de ta robe, il ne faut pas qu'il vienne de toi, le besoin de ta robe. Il faut qu'il soit le résultat d'une impulsion dans ton état mental qui a son temps. Et à un certain moment, c'est le temps. Parce qu'à un certain moment, tu as déchiré ton autre robe. Tu regardes dans ton garde-robe et tu n'as pas gros de robe. Puis là, tu es dans une sorte de mouvement qui est en relation avec l'état mental. Tu vas chercher une robe. Parce que la robe que tu es allé chercher n'est pas liée à ton corps de désir. Elle n'est pas conditionnée par ta pensée ni par ton corps de désir. Elle est le produit de la descente sur le plan matériel de cette impulsion qui est dans ton état mental et qui coïncide avec des événements dans la matière qui t'enclenchent à aller le chercher. Ça, c'est le deuxième point. Tu peux pas, puis ça, je vous le dis, toujours, ça sera toujours comme ça. Vous ne vivrez jamais de votre état mental calme. Vous ne créerez jamais dans votre vie, dans votre avenir. Vous ne créerez jamais votre avenir. Vous pouvez créer votre futur calmement. Mais vous ne créerez jamais votre avenir calmement. Parce que pour créer son avenir, il faut que l'homme fasse un combat, vive un combat. Vibratoire. Ça peut être un changement vibratoire le matin, ça peut être n'importe quoi. Tu peux te cogner une porte. Et dans ce temps-là, cogner une porte, ça devient une grosse souffrance. Et à ce moment-là, c'est le déclic qui te permet de décrocher, d'aller chercher dans l'éther mental l'énergie que tu as besoin pour faire. Et autant le pouvoir du désir qui est connecté à l'éther mental est grand, et autant il n'y a pas d'obstacle à ce désir, autant il est impossible si l'homme n'est pas en contact avec l'éther mental. Parce que pour aller chercher, pour décrocher, pour arracher les forces de vie qui sont logées dans l'état mental, l'homme doit être capable de subir le choc vibratoire de l'impulsion. Et le choc de vibratoire de l'impulsion peut venir juste avant l'impulsion, peut venir la journée d'avant, il peut venir dans un rêve, peut venir dans une condition avant. Le choc passe, vos vibrations sont changées. Il s'agit que l'impulsion passe quand tes centres sont ouverts, parce qu'un choc, ça ouvre vos centres d'énergie. Quand vous vivez dans le calme, vos centres d'énergie se referment, comme une fleur. D'un coup, si tout est un choc, il y a une prise de conscience, il y a une conscience de l'intelligence qui est en toi quelque part. Là. L'intelligence qui est en toi quelque part, cette permanence-là, là, cette maudite permanence-là qui est toujours dans nos pilotes, là, qui nous suit tout le temps, c'est l'état mental. Et vous en viendrez avec le temps à être capable de subir la présence de l'état mental, mais à être aux aguets du choc vibratoire qui coïncide avec l'ouverture de l'état mental pour votre propre vie. Fait que si vous avez été 10 ans dans la même ville, un jour vous avez été cœuré d'être dans la même ville, puis un jour vous avez senti un changement de votre puis un jour vous avez crèche sac mon camp. Là, tu vas descendre d'énergie d'état mental, puis tu vas y aller en voyage, puis avant, tu y auras jamais été, parce qu'avant, t'avais peur, t'étais gêné, t'avais peur des Mexicains, t'avais peur de tout. Mais là, tu vas l'avoir descendu, cette énergie-là, là, tu vas y aller à Mexique, mais pas plus. Parce qu'ils vont aller à d'autres places. Alors, une fois que vous entrez dans l'état mental, vous commencez à détruire les résistances psychologiques qui ont fait partie de votre personnalité pendant votre vie, et c'est à partir de ce moment-là que vous commencez à faire des choses que vous n'avez jamais faites avant, que vous n'aviez jamais osé faire avant. Parce qu'avant, vous étiez pris dans votre propre personnalité. Votre crise de personnalité qui est irréelle, qui est conditionnée de l'extérieur. Fait qu'à ce moment-là, vous allez commencer à pouvoir faire des choses qui ne sont pas conformes à votre personnalité planétaire. Et vous allez commencer à vivre vos vies pleinement. Pour en arriver éventuellement à vivre vos vies 24 heures au lieu de les vivre 22 fois par semaine quand vous rencontrez Bernard Montréal. Parce qu'il y a une dimension extrêmement importante au phénomène de vivre la vie 24 heures par jour. C'est que l'état mental de la sixième race doit grandir. Il doit devenir extrêmement vibrant, puis extrêmement puissant, puis extrêmement vaste. Et dans l'état mental de la sixième race, les possibilités augmentent chaque jour pour permettre à la sixième race éventuellement de vivre de son propre énergie, de sa propre énergie, qui est l'énergie de son état mental. La sixième race ne peut pas vivre de son corps de vie. La sixième race doit vivre et vivra de son état mental. Parce que l'état mental, c'est l'intelligence de la sixième race. C'est mon petit moron. L'état mental, c'est l'intelligence de la sixième race. C'est pas le corps de désir qui est l'intelligence de la sixième race. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la sixième race peut rien faire parce que son état mental n'est pas développé. Il faut que cet état mental-là se développe. Parce que c'est de cet état mental-là que se nourrira l'homme demain. Colette, ça fait 7 ans qu'elle vit à Saint-Lambert, dans le coin. Ça. Il est temps qu'elle sorte en Christ. Qu'elle voit qu'est-ce que c'est aux Bermudes, mais qu'elle voit qu'est-ce que c'est à Floride, qu'elle voit qu'est-ce que c'est à Timbuktu, mais qu'elle voit quelque chose. Il est temps qu'elle se grouille le cul et qu'elle grouille. Mais elle ne pourra pas le faire. Tant qu'elle n'ira pas chercher dans l'état mental l'énergie pour le faire. Quand vous vivez une décision, pas une décision, ben. Quand vous prenez une décision en relation avec l'impulsion qui vient de l'état mental, il n'y en a pas de frénésie, il n'y a rien. Vous vous en apercevez même pas. Vous regardez en arrière, vous vous dites, hop, j'ai décidé d'aller à New York. Là, c'est là que... Dans l'état mental, quand vous vous servez de l'énergie de l'état mental, il n'y a aucune frénésie, c'est un vide total. Mais c'est une concentration d'énergie, de décision et de volonté, puis c'est final. Il n'y a rien pour bloquer ça. Ça n'est plat. C'est permanent. Comment il t'arrache? Si t'es dans l'état mental, il faudra que t'ailles chercher une Rolls Royce, tu iras au magasin chercher une Rolls Royce, tu diras au gars, c'est celle-là que je veux, puis ton changera pas, puis il te donnera la clé, puis tu sortiras comme si t'avais jamais, comme si tu n'avais eu pendant 15 ans des Rolls Royce. Il n'y aura aucune frénésie, il n'y aura aucun enthousiasme, parce que dans l'état mental, il n'y a pas d'enthousiasme. It's matter of fact. C'est bien matter of fact. Ça n'est plat. Les gens qui commencent à fonctionner au niveau des détails mentaux s'aperçoivent que, hop, ils n'ont pas le fun qu'il y avait avant. Avant, quand ils s'achetaient une Rolls Royce, ils vibraient, la famille de Salvador, ils écoutaient les potes. Là, le gars, il s'en va tout seul à 11h30 du matin, puis il sort. C'est final. Personne ne le sait. Il n'y a pas d'enthousiasme. Il n'y a pas de personnalité dans les détails mentaux. Et quand tu fais un mouvement en relation avec l'état mental, tu ne sais jamais où va t'amener le mouvement. Le mouvement, il va t'amener une place, mais il y a des raisons. Tu vas découvrir qu'il y a des raisons dans l'état mental. Puis une fois que tu es dans l'état mental, tu restes toujours dans l'état mental. Fait qu'à ce moment-là, si tu pars de site, tu t'en vas aux Bermudes, tu vas être encore dans l'état mental aux Bermudes, puis automatiquement, tu vas rencontrer quelqu'un aux Bermudes, et ainsi de suite. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. L'état mental, ça s'enchaîne. Tandis que si vous fonctionnez au niveau du corps de désir, à ce moment-là, il n'y a pas d'enchaînement. Mais dans l'état mental, il y a un enchaînement. De sorte que, une fois que tu commences à vivre de l'état mental, tout ce qui découle de l'état mental, de l'impulsion, fait partie du timing de cet état-là, et à ce moment-là, ça enrichit ta vie dans ton mouvement. Jusqu'à temps que tu viennes. Quand je dis que la pensée humaine ne sert pas l'homme, je veux dire deux choses. Je veux dire que la pensée humaine est une condition favorable à l'astral, est une condition favorable au monde inférieur, elle est une condition qui est favorable à des intelligences dans des mondes inférieurs, mais elle ne contient jamais de condition favorable à l'homme. La seule condition, la seule énergie qui est favorable à l'homme, c'est l'énergie qui appartient à l'état mental, et cette énergie-là, l'homme, il la construit au fur et à mesure qu'il se conscientise. Et c'est de cette énergie-là qu'il vit. Ensuite, il ne vit plus de l'énergie de la pensée. À ce moment-là, il n'y a plus besoin de corps de désir pour aller chercher dans le monde ce qu'il a besoin pour vivre et être en harmonie avec lui-même et être en harmonie avec les vibrations. Il y a bien des aspects au phénomène de la pensée. Au phénomène de la pensée, il y a l'aspect communication. Et l'aspect communication lié au phénomène de la pensée, c'est un aspect qui simplement indique à l'homme la relation entre l'âme, l'énergie de l'âme, et les intelligences qui sont sur d'autres plans. Une fois que l'énergie de l'âme, la mémoire de l'âme a été détruite, l'homme n'a plus besoin de communiquer avec les intelligences de l'autre plan parce qu'il sait qu'il y a fusion. Fait qu'il n'a plus besoin de communiquer. Tout ce qu'il a besoin, c'est de se rapporter de cette énergie de l'âme-là sur le plan mental qui fait partie de son état mental. Parce que c'est l'énergie de l'âme qui crée l'état mental. Et c'est de cette énergie-là qu'il vit, puis c'est ça qu'il a besoin, puis c'est rien que ça qu'il a besoin, puis il n'a plus besoin de communiquer. S'il communique, ça fait simplement partie de la routine des circuits universels, mais lui ne vit pas de ça, parce que s'il vit de ça, il tombe dans le phénomène de la pensée. Mais le phénomène de communication doit être expliqué à l'homme, l'homme doit le comprendre pour prendre conscience. Sans ça, il ne prendra jamais conscience. Prenant jamais conscience, il n'en arrivera jamais à créer l'état mental. C'est évident. Mais quand il a commencé à créer l'état mental, à ce moment-là, il s'aperçoit qu'il n'a pas besoin de communication pour vivre, il a besoin de l'état mental pour vivre. Et c'est de l'état mental qu'il se nourrit et non de la communication. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas capables de parler en public? Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas capables de parler? Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas le pouvoir de parole? Parce que les gens n'ont pas d'état mental. Soit qu'ils fonctionnent au niveau de la pensée subjective ou qu'ils fonctionnent au niveau de la pensée communicante. Ou rien. Parce qu'un homme qui est dans l'état mental n'a pas à demander de questions à personne. Il n'a pas à demander de questions à des entités sur d'autres plans. Il n'y a rien qu'à parler. Son état mental, ça fait partie de lui. Il l'a créé, cet état mental-là. Et l'état mental, vibratoirement, est en harmonie avec tout ce qui est connu dans le cosmos. Alors, s'il doit parler de telle chose, ça va sortir telle chose. S'il ne doit pas parler de telle chose, ça ne sortira pas. Mais comme il y a l'état mental, et si ça fait partie de sa vie de parler, il va parler que ça va sortir. Puis ce qui va sortir, il doit sortir. Puis ce qui doit sortir, il va sortir. Alors, l'homme n'a pas à s'engager psychologiquement au niveau de ce qu'il sait. Il a simplement à se désengager parfaitement de ce qu'il sait. Ça, c'est être dans l'état mental. C'est pour ça que les gens ne sont pas capables de parler. Les gens n'ont pas le pouvoir de parole. L'état mental, c'est la nature même. La nature même de l'homme. C'est l'homme, l'état mental. L'état mental, c'est l'homme. Tu peux enlever le corps physique à un homme, tu peux enlever le corps vital à un homme, tu peux enlever le corps astral à un homme, tu peux enlever le mental inférieur à un homme. Tu peux pas y enlever l'état mental. Tu peux pas. Pour 5 raisons. Parce que l'état mental n'appartient à personne. L'état mental n'est sous le contrôle de personne. L'état mental est en union avec l'énergie cosmique. Fait partie de l'énergie cosmique. L'état mental fait partie de la création de l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme ne peut pas être détruit. Donc, l'état mental est indestructible. Tu peux rien y enlever à l'état mental. C'est ça l'identité de l'homme. C'est ça la parfaite personnalité de l'homme. C'est ça qui mène l'homme à l'immortalité. C'est ça qui mène l'homme à l'éternité, l'état mental. Il y a un homme qui est dans son état mental, il est dans son état mental, il est quelque part dans l'état mental. Il sait qu'il est dans l'état mental quelque part. Le corps physique, vital, astral, mental, inférieur, il peut s'en abarrasser n'importe quand. Anytime. Il n'a pas de besoin. C'est simplement un plan d'action sur les plans inférieurs pour permettre à l'évolution de se concrétiser selon l'intelligence dans l'état mental. Là. Mais il est grand temps que l'homme réalise que la pensée ne lui sert pas. Que la pensée sert toujours des sous-plans ou des plans inférieurs à l'état mental. Et quand les hommes comprendront ça, que la pensée sert des plans inférieurs à l'état mental, les hommes comprendront pourquoi les hommes n'ont jamais été dans l'intelligence, et pourquoi les hommes ont toujours été influencés, et pourquoi les hommes n'ont jamais eu de pouvoir sur la Terre. Et pourquoi les hommes n'ont jamais pu créer leur avenir, et pourquoi les hommes n'ont jamais connu leur avenir, et pourquoi, automatiquement, les hommes ont toujours été dans l'ignorance, malgré leur haut niveau ou leur haut degré d'éducation. Dans l'état mental, un homme n'a besoin d'aucune expérience. Parce que l'état mental n'est pas créé d'expérience, il est créé de souffrance. Créé d'expérience, c'est-à-dire. Créé de souffrance. Parce que pour créer l'état mental, il faut arracher au monde inférieur, au plan inférieur, toutes les formes qui constituent notre personnalité irréelle. Il les détruit, ces formes-là. C'est ça notre souffrance. C'est ça qui crée l'état mental. L'état mental. Dans le fond, l'instruction mondiale, c'est pour justement permettre à l'homme de comprendre comment créer l'état mental. Un homme qui est dans l'état mental ne peut pas être assujetti à rien. Sinon, il vibre. Sinon, il souffre. Sinon, il détruit la forme qui l'assujettit. Mais il met les parenthèses. Parce que les gens ne connaissent pas la différence entre la centricité réelle, la centricité que je parle, moi, et la centricité qu'eux autres pensent. La centricité qu'eux autres pensent, c'est encore de l'égocentricité. Parce que cette centricité-là, elle est convenue par une pensée ou avec une pensée qui pense. Elle n'est pas convenue dans une impuissance de la pensée subjective et dans un alliage extrêmement fondu entre l'homme inférieur et l'homme supérieur, qui est la perfection de la personnalité, l'équilibre, le discernement. Le discernement, c'est l'équilibre entre l'homme inférieur et l'homme supérieur. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que la centricité, c'est une capacité de donner de la merde à tout le monde qui rencontre. C'est pas ça, la centricité. Ça, c'est une forme d'égocentricité plus avancée. Que l'ancienne. Plus en santé que l'ancienne, mais pas encore parfaite. L'action de l'homme doit venir de l'impulsion qui prend naissance dans l'état mental. S'il y a moindrement de l'ego, dans une harangue, ou s'il y a moindrement d'ego dans une confrontation, c'est pas de la centricité. Dans l'état mental, il n'y a pas d'ego. Il n'y a aucune égocentricité. Il n'y a aucune émotion. Ça n'a pas d'importance que tu gueules ou que tu gueules pas. Si tu gueules, c'est parce qu'il faut que tu gueules. Si tu gueules pas, c'est parce qu'il ne faut pas que tu gueules. Mais vous autres, c'est pas de même encore. Vous avez l'impression que gueuler, c'est bon. Parce que ça vous donne des droits que vous n'aviez pas avant. Le point n'est pas là. Les droits que vous n'aviez pas avant ne peuvent pas être achetés par des droits que vous donnez aujourd'hui, faussement. Parce que vous avez créé la Troisième Guerre mondiale entre vous autres. L'état mental, c'est le propre de l'homme. C'est pur, l'état mental. C'est pur. Quand vous vous engueulez, créez des chocs aux gens et que vous n'êtes pas dans cet état-là, il y a du feedback. C'est pour ça qu'il y a du feedback. Parce qu'il n'y a pas peu. Je parlais une fois de la résistance, de l'inertie de l'intelligence. Comment est-ce qu'il se construit l'état mental après avoir vécu l'inertie de l'intelligence? L'inertie de l'intelligence, c'est la limite, et après ça, c'est l'état mental qui se construit. Si vous n'avez pas vécu l'inertie de l'intelligence, vous ne pouvez pas connaître l'état mental. Alors, si vous vous fâchez contre le monde, vous lui donnez des chocs, à ce moment-là, ça fait partie encore de votre personnalité, qui est un petit peu plus avisée, mais qui n'est pas dans l'état mental. Automatiquement, vous allez avoir du feedback. Il y a une relation extrêmement étroite entre l'inertie de l'intelligence et l'état mental. Et l'inertie de l'intelligence, elle est imposée par l'homme, elle fait partie de du refus de l'homme de briser contact avec elle-même. Elle fait partie du refus de l'homme de se donner à l'homme, d'être absorbé par l'homme en tant qu'énergie. Le refus extrêmement puissant de l'âme de ne pas être absorbé dans l'état mental de l'âme. Parce que l'âme, elle est astrale, fondamentalement, dans sa fonction. Je dirais même que l'âme, elle est animale, dans sa nature. Alors, si l'âme est animale dans sa nature, quelles que soient les dictées ou les dits des grands penseurs, ça me donne une idée jusqu'à quel point l'âme est assujettie à sa nature animale. Soit dans le mental, soit dans l'astral, soit dans le vital, soit dans le physique. Alors, cette résistance-là, l'homme doit un jour la briser, et cette résistance-là, quand il la brise, il vit un combat. Dans ce combat-là, il y a un changement vibratoire qui s'opère dans son mental, qui lui donne accès à l'éther mental. Que j'appelle le mécanisme, dont j'appelle, ou la clé, dont j'appelle la colère de l'esprit. Mais la colère de l'esprit n'est jamais dirigée envers un homme, elle est toujours dirigée envers l'énergie qui domine la conscience infrastructurelle de l'homme. Alors, si vous dirigez cette énergie-là contre un homme, vous n'êtes pas dans l'état mental. Si vous dirigez cette énergie, cette colère contre les structures qui sont imposées à l'homme par les forces de l'âme, là, vous rentrez automatiquement dans l'état mental et c'est comme ça que vous le construisez. C'est pour ça que la colère de l'esprit, l'inertie de l'intelligence et l'état mental sont trois aspects d'une même chose. Comme on n'est pas habitué de vivre sans égo, autrement dit, comme on n'est pas habitué de vivre sans pensée subjective, c'est difficile pour nous autres d'apprécier la nature de l'état mental. Mais l'état mental, c'est une puissance latente dans l'homme. Elle est latente dans l'homme, cette puissance. Et elle peut permettre à l'homme de faire des choses dont son ego n'est même pas conscient. Parce que là, l'état mental contient les vibrations qui sont directement rattachées au rayon qui fait partie de sa conscience. Alors, l'homme dans l'état mental ne sait jamais ce qu'il peut faire, mais il sait qu'il peut faire tout ce qu'il doit faire quand c'est fait. Alors, c'est bien important pour vous autres de comprendre la différence essentielle entre la centricité fondamentale et réelle et la centricité apparente que vous avez tendance à développer au fur et à mesure que vous vous conscientisez. Parce que vous allez faire des erreurs de jugement et vous allez perdre votre capacité de développer le discernement et vous allez créer dans vos vies personnelles, en relation avec les gens, des imbroglios. Automatiquement. C'est plus dur de ne pas créer de choc que de créer des chocs quand on n'est pas encore totalement fonctionnel dans l'état mental. Parce que ça nous soulage. Et la pénétration dans l'homme, de l'homme dans l'état mental, sa pénétration, il n'y a pas de soulagement. C'est un combat. Vous allez voir que quand vous allez prendre des décisions qui viennent de l'état mental, il va y avoir un combat en vous. Il va y avoir un combat. Ce sera n'importe quoi. Il y aura toujours un combat, un changement vibratoire qui vous donnera, qui est la pénétration de l'impulsion dans vos corps subtils mais inférieurs, qui ne sont pas ajustés vibratoirement à cette énergie puissante-là. C'est pour ça que vous vivrez un combat, vous vivrez une souffrance. Et c'est un peu comme une montagne. Le mouvement vers l'état mental, la décision, l'impulsion, la prise de conscience de l'impulsion dans l'état mental, c'est comme une montagne. Tu es juste sur le toit de la montagne, puis tu ne peux pas grouiller de là. L'impulsion, elle vient, elle t'amène sur le toit de la montagne. Zoup! Bien vite! Puis là, tu es là, là, puis tu n'as plus ton mental inférieur, tu n'as plus tes pensées. Tu as de l'énergie dans la tête. T'as plus tes pensées pour t'aider à voir clair, t'as plus tes pensées pour te donner une orientation, t'as plus tes pensées pour t'aider à voir ce que tu vas faire, à comprendre ce que tu vas faire. Puis d'un coup, là, hop, là, tu retombes sur l'autre versant. Là, là, t'es arrivé, là, sur le bord, là, là tu retombes. Quand tu descends là-dedans, c'est l'énergie de l'état mental. C'est elle qui vous charrie. Mais elle fait partie de vous, cette énergie-là. Là, vous prenez des décisions bien vite. Mais tant que le mouvement n'a pas été fait, ça peut durer 2-3 heures sur le bout en haut. 2-3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, une demi-journée. Vous êtes en crise toute la journée parce que vous savez qu'il y a de l'énergie en vous, là, vous n'êtes pas capable de la manipuler, cette énergie-là, elle est là. Dans votre vocabulaire, vous dites, j'ai venu des calices de vibrations aujourd'hui. Et c'est votre vocabulaire. Et après ça, c'est là que l'état mental se forme. Éventuellement, quand vous serez bien ajusté à l'état mental, que vous serez capable d'absorber l'énergie de l'impulsion de l'état mental, qui pourra rentrer dans votre mental, dans votre émotionnel, vital, physique, vous aurez développé une résistance à ce moment-là. Vous sentirez l'impulsion, vous les sentirez les changements vibratoires, mais ils ne vous affecteront plus de la même façon. Ils vous affecteront. Ils vont vous affecter jusqu'à temps que vous passiez de l'autre bord. C'est pour ça que techniquement, l'homme ne peut pas être parfaitement heureux sur le plan matériel. Dans le sens qu'il peut l'être dans l'éther. Mais l'homme peut être sur le plan matériel suffisamment conscient d'être capable de se servir de l'énergie d'état mental pour faire, pour créer son avenir sur le plan matériel à sa guise. C'est-à-dire comme il le voit dans le mouvement d'impulsion lorsqu'elle se fait, lorsqu'elle pénètre en lui. La création de l'homme dans sa vie, tout ce qu'il a besoin pour pas avoir de tension extérieure, ainsi de suite. C'est à peu près le maximum que l'homme peut vivre sur le plan humain en faveur d'une certaine paix, d'une certaine calme, ainsi de suite. L'état mental est extrêmement vaste en possibilités, puis l'état mental peut vous amener à des possibilités qui ne sont pas réalisables pour l'homme dans le mental inférieur, mais au niveau de l'état mental, vous pouvez en arriver à développer des possibilités au niveau de la vie matérielle tellement avancées que vous êtes quasiment parfaitement heureux. Dans l'évolution d'une conscience universelle chez l'homme, on est obligé d'expliquer à l'homme des aspects de cette évolution en fonction d'une programmation lente et en fonction d'une certaine phase-in and phase-out, phase-in and phase-out. Il y a des choses que vous devez comprendre d'abord, pour ensuite les éliminer, pour ensuite comprendre d'autres aspects, pour ensuite les éliminer, pour ensuite comprendre d'autres aspects, pour ensuite les éliminer, ainsi de suite. C'est un processus constant d'élimination jusqu'à temps que vous en arriviez à une conscience pure de votre intelligence, et c'est ça que je veux parler là. La conscience pure de notre intelligence, c'est cette conscience qui nous permet d'être conscient de notre intelligence. Et conscient de notre intelligence, ça veut dire conscient de notre intelligence. Et conscient de notre intelligence, ça veut dire conscient de notre intelligence. Ça veut dire conscient d'être intelligent. Et conscient d'être intelligent, ça ne veut pas dire avoir l'impression d'être intelligent. Il y a une maudite marge de différence. Être conscient d'être intelligent, c'est d'être conscient d'une infinité dans notre mental quelque part, qui fait partie de l'état mental. C'est une condition de l'esprit de l'homme, ça fait partie de l'infinité de l'esprit de l'homme, ça fait partie de sa capacité éventuelle de rentrer dans l'éther, qui fait partie de l'infinité. Alors, la conscience de l'intelligence de l'homme, c'est une conscience, c'est indivisible. C'est indivisible, ça se déchire pas, ça s'enlève pas. Si quelqu'un essaie de l'enlever, tu vas l'écraser net. C'est la puissance même cosmique de l'homme, concentrée dans le mental humain. La conscience de l'intelligence. Et les hommes doivent en arriver éventuellement à avoir cette conscience de leur intelligence pour être capables de se servir de l'état mental d'une façon parfaite, c'est-à-dire en fonction d'un but qui est établi cosmiquement. À cause du rapport entre l'homme et le rayon. Un but qui fait partie de la vie de l'homme, qui fait son affaire à l'homme, parce qu'il est parfait ce but-là, parce qu'il est institué par les forces de la lumière qui sont dans l'homme. Les forces de l'intelligence qui sont dans l'homme. L'institutionnalisation dans l'homme de la nature même de l'intelligence fait partie de l'intelligence de l'homme. L'homme qui crée l'avenir, qui crée son avenir. L'homme qui, dans l'état mental, conçoit, exprime, manifeste, manipule l'énergie comme elle a été jamais manifestée, conçue avant. Autrement dit, dans la création de l'homme, par l'avenir de l'état mental, en fonction de la création d'un avenir de l'homme, qui devient un avenir d'une race nouvelle de l'homme, ce qui est fait dans l'instantané, il n'a jamais été conçu avant, n'a jamais été parlé avant, n'a jamais été écrit avant, c'est neuf. C'est du secret qui se dévoile au fur et à mesure que l'état mental se manifeste sur le plan matériel. De sorte que l'homme qui rentre dans l'état mental, il construit à la fois sa vie vers l'avenir et il construit à la fois la vie d'une race supérieure vers l'avenir. Et la conception de cette création-là, la conception de cette fonction créative-là est totalement instantanée, n'a jamais été issue, connue et manifestée auparavant. Elle n'appartient pas aux archives de l'humanité, elle n'appartient pas à la mémoire de l'âme, elle appartient au secret de celui qui est le plus dans l'état mental, en fonction d'un travail quelconque, un initié quelconque, un avatar ou d'autres personnes comme ça. C'est une source intéressante. De par notre nature, on a tendance à concevoir, on ne doit pas concevoir la vie. Ça se conçoit pas la vie, ça se crée. Mais on a la maudite habitude de la concevoir, puis comme on la conçoit, on met dans la vie des couleurs qui ne lui appartiennent pas, et ces couleurs-là font partie de notre intellect, font partie de notre émotion. La vie, ça ne se conçoit pas, ça se crée. Et l'homme n'a jamais créé la vie, c'est pour ça que l'homme a été dominé par des forces vitales pendant des siècles, il a été dominé par des intelligences pendant des siècles, et il arrive à la fin d'un cycle où le combat entre l'intelligence pure et les intelligences qui font partie des mondes inférieurs est à son paroxysme. Et qui c'est qui est pris entre les deux sandwichs? C'est là, toujours là, là. Il y a un mystère dans la vie de l'homme. Et le mystère dans la vie de l'homme, il est caché dans l'état mental de l'homme. Et c'est dans l'état mental de l'homme et par l'état mental de l'homme que l'homme connaîtra et comprendra son mystère. Et lorsqu'il comprendra son mystère, l'homme comprendra le mystère de la race, il comprendra le mystère de la vie, il comprendra le mystère de l'évolution, il comprendra le mystère de l'intelligence, il comprendra le mystère de l'infinité, il comprendra le mystère de l'espace, il comprendra le mystère de tout. Et quand il comprendra le mystère de tout, il sera atomiquement vôtre. C'est-à-dire qu'il sera atomiquement en liaison avec tous les hommes qui sont dans la même vibration sur le plan mental, vital, émotionnel et physique. Mortel. L'homme doit être capable un jour d'avoir la sensation précise d'être intelligent. Je ne veux même pas parler d'être dans l'intelligence, je veux dire d'être intelligent. Parce que si je dis que l'homme a la sensation d'être dans l'intelligence, il a encore une aperception d'être intelligent et l'homme ne doit pas avoir d'aperception d'être intelligent, il doit être intelligent. Et être intelligent veut dire avoir une conscience parfaite de son moi. Et la conscience parfaite de son moi, c'est l'équilibre entre sa partie inférieure et sa partie cosmique. Et pour que l'homme puisse vivre l'équilibre entre la partie inférieure et la partie cosmique, il doit être totalement dans le mental éthérique. Il ne peut pas y avoir de doute dans l'état mental de l'homme. S'il y a du doute dans l'état mental de l'homme, il y a une diminution d'intelligence, il y a une diminution de clarté. L'homme doit en arriver à être capable de ne jamais corriger ce qu'il est. Ceci veut dire que l'homme doit en arriver à être suffisamment dans l'état mental pour ne jamais avoir le doute de ce qu'il fait, pour pouvoir parfaitement construire ce qui est la projection de l'état mental sur le plan inférieur. Ah, pour ça, il faut que l'homme soit capable de ne jamais être obligé de corriger ce qu'il est. Ceci veut dire qu'il doit être absolu dans son mental. Tant que l'homme n'est pas absolu dans son mental, il n'est pas absolu. Et s'il n'est pas absolu, il n'a aucun pouvoir sur la vie. Il est peut-être un porteur d'intelligence, mais il n'est pas un porteur de vie.

Laisse-moi finir ce petit point-là, Daniel, parce que je ne veux pas le perdre. Dans la fascination, il y a naturellement une soumission. Puis dans l'état mental, il ne peut pas y avoir de soumission dans l'état mental parce qu'il n'y a pas de réflexion. Et dans la soumission, il y a de la réflexion. Il y a une dualité. Il y a de la comparaison. Dans l'état mental, il n'y a pas de comparaison. Tu ne peux pas comparer. Tu ne peux pas te comparer. Si tu te compares, tu n'es pas parfaitement dans l'état mental. Fait qu'automatiquement, tu peux être assujetti. Quelle que soit l'intelligence. Parce que de l'intelligence, c'est une énergie et ça n'appartient pas à l'ego. Ça ne doit pas colorer l'ego émotivement ou mentalement. C'est une énergie. Ça fait partie de la symbiose universelle. Dans le jeu de la fascination, je pense pas que dans le concept de la magie, surtout la noire, particulièrement, c'est la vitesse qui est la plus grande ici. Tu vois, avec la vitesse, on est plus ou moins qu'une élévation de vibration qui n'est pas dans le rythme de l'autre. Puis si tu augmentes la vitesse dans une habilité, dans une activité mentale quelconque, puis que l'autre n'est plus ni moins pris dans le mouvement de telle vitesse, c'est automatiquement possible. Mm-hmm. C'est le jeu de la vitesse qui crée les facilités. Parce que tu ne respectes pas le rythme de développement. Donc, tu agis dans un mouvement pour, comment je dis ça, comme spiraliser l'énergie d'autre dans le mouvement, dans ton mouvement. C'est comme ça. La même de fascination, c'est une autorité d'énergie qui va créer une impression créée par une turbulence qui est de plus en plus grande. Si tu amènes l'autre dans ce mouvement-là, dans cette turbulence-là, automatiquement, tu es obligé de comme de le suivre. Si la personne coupe, c'est-à-dire si la personne voit une vitesse chez l'autre, et puis, par exemple, il t'apparaîtrait quelque chose, le phénomène de surprise, c'est toujours un phénomène de vitesse. Mm-hmm. Fait que si tu prends un retrait face à cette vitesse, donc à cette surprise, tu gardes tu restes dans ton énergie. Mm-hmm. À chaque fois que tu te sens emporté dans une vitesse, tu t'obtiens. Pour moi, je parle pour moi. Mm-hmm. Bon, à chaque fois que je fais un champ de vitesse qui est supérieur à la mienne, mm-hmm. je m'obtiens pour jauger le mouvement d'énergie. Là, pour me situer dans cette énergie, pour éviter justement le phénomène de vitesse. Oui. C'est bon. Sans ça, tu perds. Tu perds l'équilibre entre toi-même et l'autre. Moi, je sais bien que dans mes expériences avec l'invisible, c'est toujours la même technique. Pas une technique, mais c'est toujours le même état d'esprit. Quand ça se présente, j'arrête puis je regarde. J'arrête simplement puis je regarde. J'en parle pas, moi. Je regarde. Puis quand là, j'ai bien stabilisé mon état, là, que je suis bien dans mon état mental, là, ensuite, je communique. Mais j'arrête. Je regarde. J'en mets toute mon énergie au mental. Tout mental. Puis après ça, là, sans ça, je suis embarqué. Les hommes, en eux, doivent faire la même chose. C'est dangereux de fasciner. C'est le principe des engagements. C'est le principe de l'autonomie. Ouais. Désengagement personnel. La résultante, c'est le désengagement personnel. On ne doit jamais être engagé à rien, puisqu'on est tout ce qu'on doit être. Parfaitement. C'est pour ça que les gens qui commencent à rentrer dans la psychologie de l'intelligence supramentale, il y en a certains qui vivent des changements vibratoires atroces. Pourquoi? Parce qu'il leur est enlevé, à cause de ce qu'ils savent, puis la résonance qui se développe en eux, il leur est enlevé le matériel psychologique dont ils se sont sécurisés pendant des années de temps. Puis là ça n'a pas été remplacé encore. Fait qu'ils vivent des périodes là, de turbulence, jusqu'à temps qu'ils passent au travail, comme un avion. C'est pour ça que la conscientisation ou la descente de la conscience supramentale sur la Terre, la phénoménalisation au niveau de l'homme, c'est pas ce que les gens s'imaginent quand ils lisent des livres. Parce qu'il existe à l'intérieur du phénomène de la descente de la conscience supramentale sur la Terre, le phénomène du développement de l'éther mental. Puis ça peut pas se faire. Ça peut pas se faire sans qu'il y ait une mesure parfaite indiquant le chemin, comment pas les techniques, mais les... l'acheminement qui dévoile les voiles. C'est pour ça qu'on est constamment surpris, constamment surpris, constamment surpris, constamment surpris, constamment surpris, constamment surpris. Même les choses qu'on considère les plus aptes à nous donner ou à nous faire ou à nous amener vers soi-même sont contre ça. Des choses qu'on considère comme ça doit être bien ça, là, puis on s'aperçoit que c'est pas ça, pas ça. Moi, je vois l'évolution de l'homme comme un entonnoir. Puis tout a été mis dedans. Puis tout ce qui a été mis dedans est tellement parfaitement organisé à partir des autres clans que ce qui sort de l'entonnoir, c'est un résidu de ça. De sorte qu'il n'y a plus au bout de l'entonnoir de l'humain. C'est rien qu'une construction qui est véhiculé, qui est vécu par l'homme au niveau émotionnel, au niveau mental. Mais il n'y a rien de humain. Tu es obligé de retourner dans ton noir de bout, de bord, pour faire tomber tout ce matériel-là, puis vivre dans un entonnoir totalement vide pour réaliser, commencer à réaliser qu'est-ce que c'est être homme. C'est pour ça que c'est si difficile. C'est plus qu'une affaire de nettoyage. C'est une affaire de c'est de l'assassinat. T'assassines l'homme ancien. Complètement. Peux-tu dire que quand tu es conscient, tu as accès à la multidimensionnalité de l'énergie matérielle? Oui. Tu n'as pas besoin de tout ça en même temps? Non! C'est... Non. Une partie de cette multidimensionnalité-là... Tu as accès à la multidimensionnalité d'intelligence, puis tu n'as pas besoin de tout ça en même temps, parce que... c'est un concept intellectuel d'avoir tout ça en même temps. Ça fait partie du phénomène de la mémoire. On a une mémoire, nous autres, fait que tu vas à l'université, puis tu as tout étudié ces livres-là, là, puis tu es la mesure de tout ce que tu as étudié. Mais au niveau de l'intelligence universelle, l'intelligence, c'est pas de même, ça marche. Quand tu deviens un phénomène, puis que tu disais tantôt, je m'arrête, je me recule, j'attends. Moi, j'ai vu ça comme si, à ce moment-là, t'attendais d'avoir accès à cette partie-là. Non. T'attends que tes éthers soient tous balancés, là, parce que ça craint un choc, là. Tes éthers soient tous balancés. Quand tes éthers sont balancés, tu sais quand tes éthers sont balancés, tu ne réagis pas de la même façon, tu es bien mental. Là, à ce moment-là, tu peux communiquer. Si tu communiques avant que tes éthers soient balancés, à ce moment-là, t'es surpris. Tu es surpris, automatiquement tu deviens fasciné parce que l'effet surprise et l'effet fascination, ça va ensemble. La surprise, c'est l'outil que se sert ceux qui fascinent pour enlever à ceux qui sont fascinés le pouvoir soit de réfléchir sur eux-mêmes ou de prendre une distance envers. Dans le fond, la surprise, surprendre quelqu'un, c'est voler un peu de son autonomie. Les gens se font surprendre de même. C'est voler de l'autonomie à quelqu'un. Mais les gens se font voler de leur autonomie parce qu'ils ne sont pas autonomes. Si les gens sont autonomes, ils ne se feront pas voler de leur autonomie. Fait que c'est la faute de l'homme d'être surpris, comme c'est la condition de l'homme d'être fasciné. Il y a les nouveaux outils astrales de ça, c'est le cadeau. Le cadeau, c'est une autre chose. Le cadeau, c'est la façon à des intelligences inférieures de substituer le vrai pour le faux en faisant croire à personne qui reçoit le cadeau l'intention d'une bonne activité, lui permettant d'entrer en confiance avec lui. Donner un cadeau à quelqu'un, c'est violer la territorialité psychologique de son émotion pour entrer dans la territorialité mentale de son esprit afin de pouvoir troquer avec lui ou enlever à lui quelque chose éventuellement là-dedans, à moins de l'aimer. Alors, là où il n'y a pas amour entre deux personnes et où il y a cadeau, il ne peut pas y avoir d'échange. Il y a toujours une intention en arrière. Il faut qu'il y ait de l'amour. Dans le cadeau, il faut qu'il y ait de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, c'est un truc. Ça va loin. On commence à découdre, là. Quand tu commences à découdre un vêtement, Tu t'aperçois qu'il ne reste plus grand-chose. Il reste un griffil. Même avec les fils, tu peux te parler. Ça n'arrête pas. Tu as des cadeaux qui sont fascinants. Ils peuvent pas être refusés parce qu'ils sont trop beaux. La concupiscence de l'esprit à cause du pouvoir astral sur lui, trop grand. Pour refuser un cadeau qui fascine, il faut être bien mental. Si tu refuses un cadeau qui fascine, automatiquement, tu viens d'assujettir une autre personne à ton mental éthérique. Tu viens d'y enlever sa territorialité. Tu viens de le déculoter. Là où il t'aurait eu, là tu l'as eu. J'ai déjà refusé 100 000 piastres, moi, là. 100 000 piastres. Je n'ai pas le temps. Il a Hamad Jerry. Il est mort dernièrement. Quand t'es capable là, de refuser 100 000 piastres, faut que tu sois mental. Je te propose d'autres questions, madame. Hein? Non, je te propose d'autres questions, madame. Non, non. Pas le temps. Hein? Mais lui, il te respecte en maudit après, bon. Un homme ne peut pas se laisser imposer un cadeau. S'il accepte un cadeau, c'est parce qu'il veut l'accepter. S'il se laisse imposer un cadeau, il vient de vendre un peu de son énergie à l'autre. C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'intelligence pure et la psychologie de l'intelligence. L'intelligence pure, c'est la vibration, c'est l'impulsion qui donne à l'homme la capacité d'être psychologiquement intelligent, autrement dit, de créer une relation qui s'exprime dans une façon ou dans une autre pour que l'autre puisse comprendre son geste. Parce que dans l'intelligence pure, s'il n'y avait pas de psychologie, ce serait un désarroi total pour celui qui reçoit. Alors, il faut qu'il y ait toujours une capacité d'expression quelconque pour expliquer son mouvement. Ça, on appelle ça des formules de politesse, des négations, des affirmations. C'est important le langage. Il y a un gars qui m'aide cet hiver à pousser mon char, que je taponne, puis ensuite il s'en va, puis il me remercie. Puis souvent, les gens font ça. Ils te remercient. C'est lui qui t'aide à pousser ton char. Tu n'as pas le temps de dire merci. Il dit merci, monsieur. Ils sont tellement dans l'émotion. Au lieu d'attendre 5 piastres ou quelque chose, il te remercie, puis ça va. Tu te croches. Moi, j'ai dit de rien. Tu rencontres quelqu'un, salut, tu dis comment ça va bien. Puis ensuite, il te demande comment ça va bien. Puis il te demande deux, trois fois. Ça va, des fois, ça va deux, trois fois comment ça va. Ça, ils n'ont rien à dire. On dit qu'il ne mord pas. Ah ben, qu'est-ce que tu fais de bon? Il vient te le dire tout à l'heure comment ça va bien. Ils ne sont pas dans l'état mental. Sans ça, le gars, il pourrait avancer en fait. Les gens ne savent pas comment. Alors, c'est quand même que tu mords. La pensée ne sert pas l'homme. Parce que la pensée est créée par des intelligences qui ont déjà été des hommes. La pensée est créée par des intelligences qui ont déjà été des hommes. Mais quand on parle des ajusteurs de pensée, on dit qu'ils ajustent nos pensées. C'est pas qu'ils ajustent nos pensées. C'est qu'ils font vibrer nos pensées. Puis essaye de faire vibrer les meilleurs de nos pensées. Mais un ajusteur de pensée, c'est un ajusteur de pensée. C'est pas l'ajusteur de pensée qui crée nos pensées. Nos pensées sont créées par des hommes anciens qui ont vécu et qui ont rapporté le matériel, le nouveau, la mémoire de l'âme. Et quand on comprendra que ce ne sont pas les ajusteurs de pensée qui créent nos pensées, on réalisera que les pensées qu'on crée, on les crée en vertu du fait que on les aime. C'est-à-dire qu'on aime penser de la façon qu'on pense, parce que penser de la façon qu'on pense, ça nous soutient. Ça nous donne une allure, puis ça nous donne une fonction, puis ça nous donne l'impression d'être fonctionnel. Lorsqu'en fait, ça nous désorganise complètement. Je l'ai fait avec lui à Joliette une journée. J'ai dit, pourquoi tu veux faire telle chose? Il dit, pour être là. J'ai dit, pourquoi t'as là? Il dit, pour t'arrêter ça. Puis j'ai dit, pourquoi? Il dit, je sais pas. J'ai dit, demande-toi les. Là, il l'a reçu, la raison. Puis la raison, elle convenait plus à la raison qu'il y avait avant. C'était toute une autre raison. Autrement dit, lui, en tant qu'ego, prenait les pensées qui le favorisaient le plus. Il ne prenait pas les pensées qui le favorisaient le plus à un autre niveau. Il prenait les pensées qui étaient les plus proches de sa nature présente, de son état émotif mental. Moi, je le forçais à aller en arrière un petit peu plus loin dans le théâtre pour aller chercher des pensées qui sont moins le fun, mais qui sont plus réelles. Alors, quand plus on rentre dans l'état mental, plus on ne s'associe plus avec nos pensées pour découvrir les raisons de nos actions, plus on se sert de l'énergie de l'état mental. Là, tout ça. Fait qu'à ce moment-là, on ne prend plus en considération l'émotion dans nos pensées puis les pensées de nos émotions pour créer dans notre vie l'équilibre qu'on pense qu'on devrait avoir. Parce que l'équilibre qu'on pense qu'on devrait avoir, c'est pas nécessairement l'équilibre qui est le meilleur pour nous autres. C'est l'équilibre qu'on pense qu'on devrait avoir parce que c'est l'équilibre qui nous permet de résoudre le problème tout de suite ou de pas souffrir tout de suite. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas confiance dans la continuité de la vie. On n'a pas confiance dans la continuité de la vie. Alors, si on n'a pas confiance dans la continuité de la vie, on a peur. Et la peur nous fait choisir des pensées qui conviennent à une limite quelconque, plus ou moins grande, de notre activité. On fait une erreur. Mais si on a confiance dans la continuité de la vie, à ce moment-là, on se désengage des pensées qui nous rassurent le plus pour fonctionner sous la loi de l'impulsion de l'état mental, pour en arriver à découvrir, au fur et à mesure qu'on avance, qu'il y a une continuité extraordinaire dans le processus de vie, puis éventuellement, les problèmes sont éliminés, puis éventuellement, tu vis. Mais on ne fait pas ça. On aime mieux vivre à court terme qu'à long terme. Parce que c'est dur, vivre à long terme. C'est difficile, vivre à long terme, pour nous autres. Parce que pour vivre à long terme, il faut que tu aies déjà, il faut que tu sois suffisamment dans l'état mental pour voir la continuité de vie. Autrement dit, pour réaliser que quel que soit le problème, tu ne peux pas être détruit par le problème. Tant que tu n'es pas capable de voir que tu n'es pas... Ça, c'est important, ce point-là, pour vous autres. Tant que tu n'es pas capable de voir que tu ne peux pas être détruit par le problème, quelle que soit la nature du problème, tu n'es pas dans l'état mental de la vie, de l'intelligence, qui te permet de résoudre le problème. Tu es dans l'état émotif et mental inférieur de ce problème-là. Fait que tu en souffres subjectivement au lieu d'en souffrir objectivement. Mais une fois que tu commences à réaliser que la continuité de la vie, quelle que soit la nature du problème, à ce moment-là, tu vis toutes les tensions que te crée le problème au niveau de l'émotionnel et au niveau du mental, tu crées ton état mental. Tu comprends ça? On doit en arriver au-devant de nos problèmes à ne jamais être décourageable. Tu peux être découragé? Tu en arrives à ne pas être décourageable. Quand tu en arrives à ne plus être décourageable, tu rentres dans l'état mental. Ça, c'est une des règles de mesure de rentrer dans l'état mental, c'est de ne pas être décourageable. Tant que tu es décourageable, à ce moment-là, tu n'es pas dans l'état mental. Quand tu n'es plus décourageable, tu rentres dans l'état mental. Alors, les problèmes de la vie te servent à mesurer jusqu'à quel point tu rentres dans l'état mental. À ce moment-là, tu commences à voir la continuité de la vie. Il y a un point aussi, c'est qu'il y a des gens qui jouent à court terme, il y a d'autres personnes. Et les pensées qui les inquiètent le plus, ils mettent de l'état. Ouais, mais ça, c'est subtil, ça fait. Ça devient impossible, là, wow, c'est au bout. Ouais. Ouais, mais ça, c'est subtil, parce qu'à ce moment-là, les gens qui rentrent dans des conditions comme ça, ce sont des gens qui se servent des conditions comme ça pour se programmer pour se programmer psychologiquement afin de se donner psychologiquement une valeur essentielle en fonction d'une vision encore embrouillée de l'avenir, mais qui fait particulièrement chapeau sur notre tempérament et notre caractère. Parce que c'est facile de développer des intérêts personnels pour des intérêts transpersonnels. C'est facile de développer des intérêts personnels qui nous servent à long terme en fonction d'une vitalité qu'on a, d'une essentialité au niveau du mental qu'on a. Mais il faut faire attention parce qu'on peut se prendre au sérieux là-dedans. Fait qu'automatiquement, on perd l'énergie qu'on a de besoin pour gravir lentement les marches qui nous amènent à la conception à long terme. Parce que tu ne peux pas vivre à long terme avant d'avoir vécu intensément à court terme. C'est ça la réponse. Il faut en arriver à vivre intensément en court terme pour détruire le découragement. Ça, je tombe dans un autre trac, là. Pour détruire le découragement que crée la vie intense à court terme pour en arriver à pouvoir vivre à long terme. Mais tu ne peux pas vivre à long terme avant ça. Parce qu'à ce moment-là, si tu vis à long terme, là, je reviens à toi, si tu vis à long terme avant ça, tu te crées des gains. Les gains serviront à te protéger psychologiquement, mais t'enlèveront le pouvoir de ton intelligence qui, si tu ne l'as pas, éventuellement va créer en toi une sorte de fossé entre toi qui est réel à long terme et toi qui est à long terme encore chambranlant. Ça marche? C'est comme si l'énergie était diluée. C'est ça, c'est comme si l'énergie était diluée. C'est pour ça que plus on en arrive à vivre à long terme, moins on vit à court terme. Mais on ne peut pas en arriver à vivre à long terme avant d'avoir passé toutes les étapes de vivre à court terme. Mais les étapes de vivre à court terme sont des étapes qui sont conditionnées par la nature astrale et mentale inférieure de notre psychologie. On doit détruire, on doit changer, on doit transmuter la nature psychologique de notre mental inférieur, astral et mental, pour en arriver à concevoir que l'étape à long terme est une étape qui n'appartient pas à l'ego dans le court terme. Ça, c'est une autre clé. Une fois qu'on a sorti de cette trappe-là, à ce moment-là, on peut commencer à engendrer notre propre énergie. Puis là, elle convient à tout ce qui est à long terme. Et elle ne crée plus à court terme des échecs possibles ou envisageables. Moi, maintenant, je viens qu'à long terme. Je ne vis plus à court terme. Mais j'exécute à court terme. J'exécute à court terme, mais je vis à long terme. Et ce qui me permet d'exécuter à court terme, c'est que je vis à long terme. Mais ce qui m'a permis de vivre à long terme, c'est que j'ai vécu intensément tous les problèmes du court terme. Fait que je suis parti de cette catégorie-là pour entrer dans cet état-là. Et cet état-là me permet maintenant d'exécuter dans le court terme ce que je veux. Mais il faut que tu... Parce qu'une fois que tu commences à vivre à long terme, tu commences à vivre dans l'état mental. Quand tu vis à court terme, tu vis encore dans le désir mental. Quand tu vis à long terme et que tu vis dans l'état mental, tu peux automatiquement comprendre tous les petits aspects de vivre à court terme. Fait qu'à ce moment-là, à court terme, parce qu'on vit à court terme, c'est fun. Le plaisir de vie, ainsi de suite, c'est tout à court terme. T'achètes un char, t'achètes une télévision, aller au jus, c'est tout à court terme. Mais il faut que ce soit en fonction d'avoir pu vivre à long terme après avoir subi la tension du court terme, ton exemple. Quand tu auras passé du court terme, tu rentreras à long terme. À partir du long terme, tu pourras revenir à court terme et tu ne vivras plus pareil. Tu comprends? Ce qui est intéressant dans la conscience supramentale et dans l'événement dans l'homme de la conscience éthérique ou du mental éthérique, c'est qu'une fois que tu es dans le mental éthérique, tu ne vis plus à court terme comme tu vivais avant à court terme. Le court terme que tu vis à ce moment-là est un court terme qui n'est pas imprimé dans ton astralité, qui ne fait pas partie de ton astralité, mais qui donne à ton astralité une capacité de s'exprimer. Tu n'es plus esclave de ton astralité, tu t'en sers. Et une des fonctions de l'état mental, c'est de se servir de tous les plans inférieurs parfaitement. Ça, c'est une grande clé. Quand tu es dans un état mental, tu es roi sous les plans inférieurs. Mental, astral, vital, physique. C'est toi que tu n'es plus malade, tout fonctionne. Mais tant que tu n'es pas dans l'état mental, tu ne peux pas le faire. Puis c'est important de comprendre ça, parce qu'il y a bien des gens, puis surtout à cause du mysticisme, la spiritualité, toute la tralala ésotérique, que les gens pensent qu'il faut que tu élimines l'astral. Ça, c'est une maudite illusion. Parce que les gens des gens qui s'habituent et qui cherchent à éliminer l'astral se renforcissent dans l'astral spirituel. Fait qu'ils perdent l'astral animal pour rentrer dans l'astral spirituel qui est plus dangereux que l'astral animal. Bonjour. Lié au phénomène de la pensée puis au phénomène de l'émotion. Le phénomène d'interrogation, c'est un phénomène complexe. C'est un phénomène qui permet à l'homme de s'assurer que ce qu'il fait, c'est correct. Et lorsque l'homme est au stage de s'assurer que ce qu'il fait, c'est correct, il est au stage de l'émotion. Quand l'homme est au stage de faire sans s'assurer si c'est correct, il est au stage du mental. Quand l'homme est au stage de faire et de ne pas s'assurer si c'est correct, il est au stage du détail mental. Dans le premier stage, l'homme s'interroge. Dans le deuxième stage, il ne s'interroge plus. Dans le troisième stage, il agit. Et il y a une nuance, entre ne pas s'interroger, qui est le stage mental avancé, et agir, qui est le mental éthérique. Dans l'éther mental, l'action n'est jamais divisée par l'ego. C'est-à-dire que l'action n'est jamais ramenée dans le passé. C'est-à-dire que l'action n'est jamais comparée, l'action n'est jamais mutilée. L'action, elle est faite dans le présent. Et elle n'a plus de mémoire. Quand l'action n'a plus de mémoire, l'ego n'est pas impliqué dans l'action. Réflectivement, il est impliqué dans l'action seulement activement. Tant que l'ego s'interroge, il n'est pas dans la connaissance. Quand il ne s'interroge pas, il n'est pas plus dans la connaissance, mais il est en dehors de l'inquiétude de la connaissance. Quand il est dans le mental éthérique, il n'y a pas d'interrogation, il n'y a rien que l'action, il est dans l'énergie de l'intelligence. Et à ce moment-là, il vit une vie multidimensionnellement. Il vit. La raison pour laquelle c'est dangereux l'interrogation, c'est parce que lorsque l'ego s'interroge, il se culpabilise en cherchant à ne pas se culpabiliser. Il se culpabilise parce qu'il n'a pas, suffisamment d'éther, d'autres vibrations. Ce qui fait qu'on se culpabilise, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment d'éther mental. Et automatiquement, on vit d'un éther inférieur et automatiquement, on vit de mémoire. Et c'est ça la culpabilité. Et la culpabilité engendre quatre choses. Elle engendre l'inquiétude, elle engendre la crainte, elle détruit le pouvoir de l'état mental de voir au-delà de notre plan de vie pour comprendre l'action qui fait partie de la destinée, autrement dit d'un plan de vie supérieur et qui est universel. Puis elle empêche que l'homme vivent en surhomme, autrement dit, au-delà des lois planétaires. Et c'est seulement là que l'homme vit dans la continuité de la vie et qu'il engendre en lui, sur le plan mental, sur le plan vital, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, une énergie qui provient de l'état mental et qui le nourrit. Plus l'homme s'interroge, plus il se paralyse. Parce que plus il s'interroge, plus il va aller chercher des états inférieurs pour se cataplasmer. Moins il s'interroge, plus il va chercher des états supérieurs. quand il est plus capable de s'interroger parce qu'il est dans l'état mental, il va chercher des états de très haute vibration et il fait descendre ces états-là dans les plans inférieurs de son humanité, le mental, l'émotionnel, le vital, le physique. Automatiquement, il transpose sa personnalité. Sa personnalité avant servait à sa mémoire. Maintenant, sa personnalité sert son intelligence. À ce moment-là, il n'y a plus de karma, il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de faiblesse. Il y a seulement de la vie dans l'homme. L'homme vit 24 heures par jour. Seulement, dans le phénomène du développement de l'état mental, il y a beaucoup de conditions. Dans ce sens que l'état mental, c'est un monde en lui-même qu'on ne voit pas. C'est un monde en lui-même qui nous permet éventuellement, nous autres les hommes, de connaître les secrets de la vie. On ne peut pas connaître les secrets de la vie en dehors de l'état mental. Et quand on commence à connaître les secrets de la vie, on commence à s'interposer, à s'opposer. Le mot opposer n'est pas juste, mais c'est plutôt s'interposer. On commence à s'interposer à tout ce qui a été créé dans le passé, de l'involution. Et c'est là qu'on commence petit à petit, d'une façon imperceptible, à créer les bases d'une nouvelle civilisation. Éventuellement, ces bases deviennent de plus en plus raffinées au fur que l'État devient de plus en plus puissant. Mais il est nécessaire que l'état mental soit créé dans un lieu quelconque de la planète afin de permettre à des êtres, mâles ou femelles, de contractuer avec les lois de l'état mental dans un environnement limité pour que cet état mental-là soit fixé dans des individus. Il faut que l'état mental soit fixé dans des individus. L'état mental doit être fixé dans des individus. Une fois qu'il est fixé dans des individus, il n'est plus destructible parce que ces individus-là ne sont plus destructibles. Et c'est ça qui permet la continuité de l'état mental sur une planète. Alors, c'est très important que les individus ne soit plus destructif. Quand je dis qu'un individu ne doit plus être destructible, je ne veux pas dire que nécessairement un individu ne passe pas nécessairement par le stage de la mort. Un individu peut très bien passer par le stage de la mort matérielle et son état mental ne pas être destructible. Mais la condition de son passage dans ce qu'on appelle la mort ne sera pas une condition de mort comme il aurait connu au cours de l'involution. C'est une autre condition de mort. Il peut avoir une raison très précise pour sa mort. Sa mort peut servir de focus pour canaliser certaines énergies dans un état parallèle, en attendant, jusqu'à temps que l'état sur le plan matériel soit suffisamment dense pour que lui revienne dans d'autres conditions, ainsi de suite. Autrement dit, il offrait son corps temporairement pour être dans cet état-là temporairement, mais sans aller dans l'astral. Mais le phénomène d'interrogation, c'est un phénomène très important et on doit le comprendre, ce phénomène-là. Parce que c'est un phénomène qui colle à la conscience humaine. Parce que la conscience humaine, c'est une conscience qui est effrayée par le mental éthérique. La conscience humaine, l'homme est effrayé par l'état mental parce que l'homme, il est fait d'état inférieur. C'est-à-dire que l'homme est fait de pensée et d'émotion, c'est-à-dire que l'homme est fait de mémoire. Alors, automatiquement, ce qui est sans mémoire, sans émotion, sans pensée subjective, autrement dit, sans reliquat du passé, autrement dit, sans matériel qui puisse, avec lequel il puisse comparer, ainsi de suite, d'autant plus que cet état-là est totalement infini, d'autant plus que les activités reliées à cet état-là sont totalement multidimensionnelles, l'ego, lui, vit une certaine sorte d'inquiétude vis-à-vis de cet état-là. Et c'est pour ça que le phénomène d'interrogation doit être réellement compris par l'homme qui rentre en action envers l'état mental ou en relation avec l'état mental pour se désengager complètement de la valeur philosophique de l'action qui provient de sa relation avec l'état mental. Et ça, c'est un peu comme un saut en terre, c'est un peu comme une mutation du corps astral qui se produit à ce moment-là. La mutation du corps astral, la mutation du corps mental inférieur, mais surtout la mutation du corps astral, parce que c'est le corps astral qui subit le plus gros choc. C'est pas le corps mental. C'est le corps astral. Le corps émotionnel. Et il y a des êtres parmi vous autres qui vivront des expériences qui créeront dans le corps astral des chocs vibratoires pour les amener à approfondir l'état mental pour en comprendre le mécanisme. On doit comprendre le mécanisme de l'état mental comme on peut comprendre le mécanisme d'une automobile. Parce que l'état mental, c'est un monde et on doit connaître les lois de ce monde-là. Et une fois qu'on connaît les lois de ce monde-là, on est capable de créer nous-mêmes, sur un plan quelconque, comme sur le plan matériel, des conditions de vie qui coïncident avec les lois de ce monde-là. De la même façon qu'on peut le faire quand on est dans ce monde-là. Une des grandes qualités de l'état mental, c'est que l'état mental est un monde parallèle au monde matériel, comme c'est un monde parallèle au monde émotionnel, comme c'est un monde parallèle au monde vital. L'état mental, il est parallèle à tous les plans inférieurs de l'homme. L'état mental peut se superposer sur tous les plans de l'homme. Il peut affecter le mental inférieur de l'homme, il peut affecter le corps émotionnel de l'homme, il peut affecter le corps vital de l'homme, il peut affecter le corps physique de l'homme. L'état mental, c'est un état qui est totalement présent et qui est permanent dans son éternité. Il est permanent dans son éternité à cause du fait que l'homme, lorsqu'il le vit, est complètement dedans. Il est complètement immersé dedans. Parce qu'une fois que l'homme a vécu l'expérience qui lui est dictée par l'état mental, il est automatiquement plus pareil comme avant. Il est automatiquement plus pareil comme avant. Tant que l'homme n'a pas vécu dans l'intelligence de son « I », de son « moi » réel, il est comme avant. Même s'il avance, il est comme avant pareil. Aussitôt que l'homme commence à vivre dans le mental éthérique, dans l'état mental, dans le « moi », autrement dit, lorsque l'homme commence à vivre le profond de ses désirs, de ce qu'il appelle ses désirs, là, qui fait partie de ce que c'est. Ses désirs font partie de ce qui c'est profondément, là. C'est loin, loin, loin, loin, loin, loin. Lorsque l'homme commence à vivre ça, il commence à vivre de son état mental. Mais quand il commence à vivre de son état mental, il reçoit un choc au niveau de ses états inférieurs, de son mental inférieur, de son émotionnel inférieur. Et c'est ça qui le fixe dans son état mental. Une fois qu'il est fixé dans son état mental, une fois qu'il a vécu la première collision entre l'état mental et l'état inférieur, il n'est plus pareil. Autrement dit, il n'est plus pareil. Automatiquement, il est sous une autre loi vibratoire. Automatiquement, il est dans une autre intelligence. Automatiquement, il est dans une autre action. Automatiquement, il est dans un autre champ de vie. Automatiquement, il est dans une autre possibilité de vie. Automatiquement, sa vie n'est plus pareille. Il commence à vivre deux vies parallèles. Deux vies parallèles. Une vie que lui connaît dans son intelligence éthérique, dans son état mental. Et un autre vie qui est sa vie ordinaire. Et il se crée une tension entre ces deux vies-là. Jusqu'à temps qu'il soit capable de supporter la tension de ces deux vies-là. Quand il est capable de bien supporter la tension de ces vies-là, autrement dit, quand il est capable de vivre ces deux vies-là à la fois, sans que ça paraisse, sans qu'il y ait de souffrance. Il n'est pas parfaitement dans l'état mental. Un homme qui est parfaitement dans l'état mental peut vivre deux vies à la fois, trois vies à la fois, quatre vies à la fois, cinq vies à la fois, six vies à la fois, sept vies à la fois. Un homme a le pouvoir de vivre sept vies à la fois. Mais le phénomène d'interrogation, c'est un phénomène qui est posé dans son esprit par des intelligences qui s'occupent de maintenir en vie son astralité et qui s'occupe de maintenir en vie ses pensées subjectives pour l'empêcher de vivre l'état mental. Autrement Autrement dit, des forces qui sont anti-âme, autrement dit, des forces qui sont anti-sur-âme, autrement dit, des forces qui sont anti-évolution. Alors, le phénomène d'interrogation, c'est un phénomène extrêmement important que l'homme doit comprendre d'une façon parfaite pour en arriver à ne plus s'interroger. Mais tu t'en arrives pas à ne pas t'interroger parce que tu veux pas. Tu en arrives à ne pas t'interroger quand tu as vécu la superimposition de la vie qui t'est imposée par l'éther mental sur ton éther inférieur. Et c'est à partir de cette expérience-là que tu commences à préconiser de la dimension de ton intelligence et que tu commences à réaliser le potentiel de ta vie et tu commences à réaliser l'étendue de ta vie et que tu commences à comprendre ta vie et que tu commences à rentrer dans ta vie, ainsi de suite. Un homme qui s'interroge ne peut pas connaître sa destinée parce que sa destinée lui est présentée, connue. Quand il a vécu le choc que lui impose l'action provenant de l'éther mental. Là, il voit sa destinée. Il voit. Parce que l'écran de son intelligence est agrandi par le fait que son émotivité et son intellect ont diminué sous le choc de l'expérience. Il y a des choses que je peux pas expliquer, que je peux pas vous expliquer encore concernant la création d'un égrégore fixe. Il y a un égrégore fixe qui doit être fixé dans le monde. Un égrégore fixe. Un égrégore qui est extrêmement lumineux, qui est fixé. Et cet égrégore-là qui est fixé dans le monde, il est fixé, mais je peux pas vous dire encore. Mais je vais vous en parler un jour. Et cet égrégore-là va devenir. Je peux pas vous dire. Cet égrégore-là va devenir. Je peux pas vous dire. pour vous énerver le cadran. L'homme ne doit pas se détacher. Par lui-même. Il ne peut pas se détacher par lui-même. S'il se détache par lui-même en faisant des mouvements, ce sont des mouvements qui viennent de lui-même. Ce sont des mouvements qui viennent de son intelligence inférieure. Tu vois rien. Mais lorsque l'homme est mis dans une condition où il est amené à se détacher de là, il se fait un travail. Un travail qui est puissant, un travail qui est irréductible, un travail qui est terrible, un travail qui est profond, un travail qui est parfait et un travail qui détruit en lui sa mémoire du passé. Un travail qui élimine en lui l'émotivité de sa mémoire et un travail qui élimine en lui la pensée de son émotion et un travail qui augmente en lui le pouvoir de résonance de l'intelligence de l'éther mental. C'est à ce moment-là que l'homme commence à comprendre instantanément. Et ça crée un phénomène. Le phénomène de comprendre instantanément crée dans l'homme la capacité d'interroger instantanément tout ce qui ne fait pas son affaire. Et c'est quand l'homme est capable d'interroger instantanément tout ce qui ne fait pas son affaire, qu'il est capable de créer instantanément tout ce qui fait son affaire, c'est quand il est capable de créer instantanément tout ce qui fait son affaire, qu'il construit son avenir et qu'il établit les bases fondamentales de la nouvelle race. Mais pour pouvoir créer instantanément l'avenir, tu dois être capable d'interroger instantanément ce qui n'est pas de l'avenir, autrement dit, ce qui fait passer du passé. Fait que tu ne peux pas vivre dans l'avenir puis être dans le passé. Si tu es dans le passé, tu ne peux pas vivre dans l'avenir. Fait que si tu vis moindrement dans l'avenir, tu es obligé d'interroger le passé, tu es obligé automatiquement de créer des conditions qui sont totalement opposées au passé. Tu es obligé de restructurer la façon de voir les choses en relation avec ta façon de voir ce que tu sais dans le fond de toi-même, loin. Sans pouvoir renier dans sa vie quelque chose qui n'est pas reniable en relation avec le passé. Et ce qu'il doit renier dans sa vie qui n'est pas reniable dans le cadre du passé, c'est l'état mental qui va y indiquer dans le temps. Fait que là, on m'a posé un chercher. Dans le temps. Ça a-tu du bon sens? Ça, c'est lui, le docteur Abeck. On continue. C'est une superimposition de votre vraie intelligence qui crée vos vrais désirs. Votre vraie intelligence crée vos... Il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer encore. Mais, quelque part dans le temps, votre vraie intelligence vous créera des vrais désirs ou des vraies conditions ou des conditions quelconques. Dans le temps, quelque part. Et c'est ça qui vous permettra de connaître, comprendre, vivre, détruire l'inertie de l'intelligence pour entrer dans l'état mental. L'homme est obligé de renier le passé pour rentrer dans l'avenir et il renie le passé en fracturant les liens émotifs dans la forme, au niveau du mental et de l'émotion, qui dans le passé lui ont donné la personnalité qu'il a, pour que dans l'avenir il ait une personnalité neuve qui est créée par le fait que l'état mental s'est imposé à sa personnalité. Pour que sa personnalité serve l'état mental. Pour qu'il se cristallise sur le plan matériel, jusque sur les autres plans, une certaine énergie. Et ça, ça crée un tube d'énergie. Et c'est dans ce tube d'énergie-là que les forces éventuellement descendront sur la Terre. Voyez-vous ça, vous? Un petit peu. Parce que les forces doivent descendre sur la Terre. Et les forces ne peuvent pas descendre sur la Terre tant qu'ils n'ont pas ce canal-là. Ils ont besoin de ce canal-là. Tu sais, j'ai déjà dit que chacun découvrira son secret dans le temps. Chacun a son secret, puis il y en a un pour tout le monde. Il y en a un pour les hommes, il y en a un pour les femmes. Chacun a son secret. Mais le secret de chacun n'est pas en résonance tant que c'est pas le temps. Ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 15 ans, votre secret. Et dans 5 ans. C'est quand il est en résonance. Vous allez savoir quand ça va être en résonance. C'est pour ça que dans ce phénomène-là, dans l'expérience de l'état mental, l'homme vit l'interrogation à un point extrêmement aigu. Et ça, ça fait partie de sa pénétration dans l'état mental. On se questionne parce que on a peur. Là, on se questionne parce qu'on a peur. Et quand on a peur, automatiquement, on est incapable de découvrir ce qu'on peut faire. Et si on ne peut pas découvrir ce qu'on peut faire, on ne peut rien faire. Fait qu'on danse sur place. On ne vit pas. C'est normal pour l'homme d'avoir peur, parce que ça fait partie de sa condition d'évolution. Moi, je sais qu'il y en a parmi vous autres en 1994 qui vont être amenés en confrontation directe avec des entités qui vont se matérialiser chez eux et qui vont leur donner un programme de vie qu'ils ne pourront pas refuser s'ils ne sont pas intelligents. Ils ne pourront pas le refuser s'ils ne sont pas intelligents. Puis ceux qui vont vivre cette expérience-là vont vivre cette expérience-là en relation avec des activités antérieures. Autrement dit, ils vont vivre cette expérience-là pour éliminer une fois pour tout un certain karma. Puis quand ils viennent chez vous, ces entités-là, ils viennent chez vous. Ils frappent pas à part. C'est pour ça que ce que je vous dis pendant les années de préparation va vous servir demain, Miss Farmer. Parce que moi, je me trompe pas. Quand même, vous voudriez que je me trompe pas pareil. Mais c'est dans votre expérience que vous allez réaliser que je me trompe pas. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes. Aujourd'hui, vous trouvez que c'est bien intelligent. Aujourd'hui, il m'a dit comme lui, vous êtes fasciné par l'intelligence. Mais demain, vous allez être obligé d'être dans votre propre intelligence. Moi, je peux vous dire aujourd'hui que il y a approximativement 'interrogation. Je peux vous dire aujourd'hui que vous n'avez aucune idée de qu'est-ce que c'est la conscience supplémentaire. Même si vous pensez que vous avez une idée, vous n'avez pas de maudite idée. Vous allez savoir qu'est-ce que c'est la conscience supplémentaire quand vous allez être confronté à l'état mental. Là, vous allez commencer à savoir qu'est-ce que c'est la conscience supplémentaire. Là, vous êtes dans l'intelligence de la conscience supplémentaire. Tout à l'heure, vous allez dans sa pulsation, dans sa pulsion, dans son énergie. Et vivre dans l'état mental, puis vivre dans l'intelligence supramentale, c'est pas pareil. L'intelligence supramentale, ça fait plaisir à l'ego, c'est le fun. L'état mental, c'est un état d'esprit. C'est le fun hein, quand c'est fini, c'est stable. L'état mental, ça appartient pas à l'ego, ça ne s'entache pas sur l'ego. L'intelligence supplémentaire, ça s'entache sur l'ego. L'état mental, c'est un lieu dans le temps, mais pas dans le temps de l'homme, dans le temps de l'espace. Puis le temps de l'espace, c'est le lieu où vibre l'esprit complet de l'homme et où il a la parfaite mobilité. C'est un monde, le temps de l'espace. Là, je commence depuis quelques semaines, depuis quelques semaines à être libre de parler. Je commence à être libre de parler, ça veut dire que je commence à être capable de parler de ce que je veux. Puis quand je commence à être libre de parler de ce que je veux, ça veut dire que je commence à être libre de faire ce que je veux. Et quand je commence à pouvoir faire ce que je veux, ça veut dire que je commence à faire ce que je veux. Ça veut dire automatiquement que vos états personnels s'en viennent petit à petit à se greffer sur mon état. Ce qui vous amène petit à petit à vous interroger sur mon état. En vous interrogeant sur mon état, vous perdez conscience de votre état. Jusqu'à temps que vous en arriviez à plus vous interroger sur mon état, mais à vivre dans votre état. En relation avec mon état. Vous comprenez? Là, pour le moment, je me sers des mots et des paroles pour greffer mon état sur votre état. Mais éventuellement, je ne me servirai pas des mots et des paroles pour greffer mon état sur votre état. Je vais me servir des actions. puis à un autre moment, je vais me servir de d'autres choses. Pour rendre votre état de plus en plus personnel. Et quand je dis personnel, je veux dire rendre vos états capables de se suffire à eux-mêmes, sans avoir besoin de corriger quoi que ce soit à l'intérieur d'elles-mêmes. Ce qui vous donne accès automatiquement à votre intelligence. Je commence à avoir le goût de parler. Je commence à vouloir faire comprendre à l'homme ce que c'est être un Dieu. Je commence à ne plus m'occuper de ce que l'homme pense des mots quand j'ai peur. C'est la main préparée. Mais je vais choisir les rencontres pareilles pour le faire. D'accord. Et être un dieu, ça veut dire être capable d'organiser la matière des principes inférieurs en accord avec la loi de l'énergie. Pour le bénéfice de l'homme, sur le plan où il est. Et non pour le bénéfice de la mémoire de l'homme. Parce que c'est comme ça que la vie descend sur le plan matériel. C'est-à-dire que c'est comme ça que se crée le canal, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'eux autres en haut descendent. Quand eux autres en haut vont pouvoir descendre ici, il va se faire une connexion à un certain moment. Quand ta connexion va être faite, vos corps, vos principes vont être en communication télépathique. Puis ça, c'est important parce que elle a votre sécurité pour demain. Le mouvement de l'énergie dans les plans inférieurs ne se fait pas selon les conceptions de l'ego. Il se fait selon les lois de l'énergie. L'ego doit en prendre les conséquences pour pénétrer dans l'état mental. C'est pour ça qu'il n'y en aura pas beaucoup qui pourront le vivre, ça. Parce que même si les gens vous parlent de la sixième race, ça c'est une chose. Mais il y a la sixième race, il y a d'autres choses. Moi, c'est pas tellement la sixième race qui m'intéresse, c'est l'autre chose. Et la sixième race ne peut pas prendre naissance sur la Terre sans que l'autre chose soit construite. On a toujours parlé dans le passé des enfants de lumière. On a toujours parlé des enfants de la lumière. Mais on n'a pas parlé des autres enfants. Il y a les enfants de lumière, puis il y a les autres enfants. Je vous en parlerai bien vite. Ce sont les autres enfants qui sont importants parce que les enfants de lumière n'ont pas la force. Ils ont simplement la lumière, autrement dit la spiritualité. Tandis que les autres enfants ont la force. Ils sont la force. Ils seront la force pendant des siècles. Ce n'est pas les enfants de lumière qui ont la force. Et ça, ça n'a pas été dit, ça n'a pas été expliqué à l'homme encore, parce que ça ne fait pas partie des affaires de ceux qui écrivaient un passé. Ça fait partie de mes affaires. Chacun ses affaires. Et ces autres enfants qui ne font pas partie des enfants de lumière, qui sont au-delà d'eux, qui sont derrière les activités des enfants de lumière, se verront éventuellement élevés dans les terres, mais sans passer par les œufs, par le phénomène des ovnis. Il n'y aura aucun contact entre le phénomène des ovnis et eux. Le phénomène des ovnis ne les affectera aucunement. C'est pour ça que ces enfants-là ou ces hommes-là doivent être dans leur état mental. Pour pouvoir contrôler le corridor dans lequel descendra ce qu'on appelle les forces. Puis je dis rien que les forces. C'est l'homme qui contrôlera le tube d'entrée de ces forces-là. L'homme. C'est quelques hommes-là. Femmes. Hommes. Ce que je vais vous parler à partir probablement de maintenant, c'est la nouvelle cosmogonie de la planète Terre. Dans les temps qui viennent, les hommes sauront qu'ils sont les maîtres de l'espace. Les hommes, ces hommes-là, sauront qu'ils sont les maîtres de l'espace. Et ils pourront engendrer sur la Terre tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils seront dans une intelligence qui n'appartient pas au niveau de la mémoire, au passé de l'humanité. Autrement dit, ces hommes-là ne viennent pas de la Terre. Ils ne viennent pas de la Terre. Et c'est pour ça qu'il y a un dénominateur commun dans tous ces hommes-là. C'est que tous ces hommes-là, femmes ou hommes, savent qu'ils sont au-dessus de quelque chose. Les mots sont importants. Au-dessus de quelque chose. Je ne dis pas qu'ils sont différents. Parce qu'il y a des gens qui viennent de la Terre et qui sont différents. Je dis qu'ils se savent, qu'ils sentent, qu'ils sont au-dessus de quelque chose. Ils savent pourquoi, au-dessus de quoi ils sont, mais ils savent qu'ils sont au-dessus de quelque chose. Et c'est le fait qu'ils sont au-dessus de quelque chose qui fait qu'ils font partie de cette tranche d'humanité. Être différent puis être au-dessus de quelque chose, c'est très différent. Être différent, c'est avoir une alliance avec l'esprit de haute nature. Mais être au-dessus de quelque chose, c'est d'avoir alliance avec rien. Et c'est le fait qu'ils n'ont alliance avec rien qui leur permet de sentir qu'ils sont au-dessus de quelque chose et qui leur donne en eux un petit sentiment de n'appartenir à, ni à la race humaine, ni à une race supérieure, ni à rien. Mais c'est le rien qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne savent pas. Qu'est-ce que c'est, ce rien-là? Ils ne savent pas. Mais ils essaient d'interpréter ça, et en essayant d'interpréter ça, ils font l'erreur de penser qu'ils sont particuliers. Ils ne sont pas particuliers. Ces hommes-là ne sont pas particuliers. Ils sont au-dessus d'eux. C'est pour ça que la nature de l'état mental, lorsque ces hommes seront dans cet état mental, leur permettra de n'être aucunement intéressés à rien de ce qui se passe sur le plan matériel. Ils ne seront pas intéressés à l'ésotérisme, ils ne seront pas intéressés à l'occultisme, ils ne seront pas intéressés à la philosophie, ils ne seront pas intéressés à l'astral, ils ne seront pas intéressés à la connaissance, ils ne seront pas intéressés à rien, ils seront simplement dans l'action. Parce que pour être intéressé à quelque chose, il faut avoir des liens avec le passé. Quand tu n'es plus intéressé à rien, tu n'as pas de lien avec rien. Tu t'intéresses à quelque chose parce que tu as des liens avec le passé. Quand tu n'es pas intéressé à rien, c'est parce que tu n'as pas de lien avec le passé. Il y a différents passés. Il y a le passé planétaire, il y a le passé du système solaire, il y a le passé de la galaxie. Il y a différents passés. Parce que ce qui crée le passé, c'est la mémoire, et ce qui crée la mémoire, c'est la rentrée de la lumière dans la conscience des plans. Et lorsque la lumière ne rentre plus dans la conscience des plans, la lumière n'a nulle part à aller. Et lorsque la lumière n'a nulle part à aller, elle doit être condensée, elle doit être concentrée dans quelque chose. Et elle est concentrée dans de l'intelligence, dans des unités d'intelligence qu'on appelle ces êtres-là. Ce sont des unités d'intelligence. qui peuvent pénétrer dans un corps matériel pour faire quelque chose. Autrement dit, ces êtres-là n'ont pas besoin d'évoluer pour être conscients de leur état. Ils n'ont plus besoin d'évoluer. Ils n'ont pas besoin d'évoluer. Ils ne sont pas intéressés à évoluer. Le concept de l'évolution fait partie de leur mémoire, de la mémoire. Ces êtres-là qui sont dans l'état mental n'ont pas intérêt à évoluer. Ils ont simplement intérêt à être. Autrement dit, à vibrer de leur état mental parce que ces êtres-là sont de l'état mental. Ils viennent de l'état mental. Ils viennent du monde de l'état mental. Ce sont des êtres extrêmement puissants, extrêmement bons, extrêmement grands, extrêmement parfaits. Ce sont tous des scientifiques. Ce sont des êtres qui n'ont aucune personnification dans la matière de ce qu'ils sont dans l'état mental. Ce sont des êtres qui n'ont aucun souvenir de ce qu'ils sont. De là leur souffrance. Alors, vos souffrances sont en proportion avec l'absence du souvenir que vous n'avez pas de ce que vous êtes. Quand vous serez dans la conscience, dans ce que vous êtes, vous n'aurez plus de souffrance. Alors, votre souffrance, la souffrance de ces êtres-là, fait partie du fait qu'ils n'ont pas souvenir de la conscience de ce qu'ils sont. Phénomène très différent des êtres qui viennent du monde de la mort, parce que les êtres du monde de la mort n'ont pas souvenir d'où ils viennent. Mais ce sont des êtres qui ne sont pas de la même trempe, qui ne sont pas de la même évolution. Alors, quand ils viennent sur le plan matériel, ils ne souffrent pas nécessairement. Au contraire, ils vont s'astraliser dans la matière. Mais ces êtres-là souffrent automatiquement. Et leur souffrance provient du fait qu'ils n'ont pas souvenance de ce qu'ils sont dans l'état mental. Et un être qui est arrivé au stage de l'évolution de l'état mental doit savoir éventuellement ce qu'il est. Non pas en proportion catégorique des mots ou en relation avec les pensées ou en relation avec une réflexion sur soi, mais en relation avec le pouvoir de l'état mental sur ses principes inférieurs qui se manifestent. C'est comme ça que ces êtres-là savent ce qu'ils sont, par leur capacité de manifester l'état mental sur les plans inférieurs. C'est là qu'on mesure la grandeur des êtres qui font partie de ce cercle extrêmement fermé de la nouvelle évolution. L'homme doit en arriver à pouvoir et pouvoir, ça veut dire bien les choses. Ça dit bien les choses, pouvoir. Alors, le phénomène de s'interroger, le phénomène d'interrogation est un phénomène qui doit disparaître de la conscience humaine. Quand je parle de la conscience humaine, je ne parle pas de la conscience mondiale, je parle de la conscience de ces hommes-là, de ces femmes-là. Le phénomène d'interrogation doit disparaître de cette conscience-là parce que le phénomène d'interrogation lie l'homme à sa mémoire et automatiquement asservit l'homme à son émotion et à son intellect. Automatiquement empêche l'homme de sortir du monde de la mort. Moi, je ne suis pas intéressant à cause de ce que je dis. Je suis intéressant à cause de la façon dont je dis ce que je sais. C'est ça que je suis intéressant. Puis un jour, je ne serai plus intéressant. Puis quand je ne serai plus intéressant, à ce moment-là, c'est parce que votre intelligence ou parce que vous serez dans votre état mental. À ce moment-là, je ne serai plus intéressant. Quand ce serait plus intéressant, il y aura une communication à un autre niveau. La création ou la fondation ou l'organisation ou le développement de ce cercle d'hommes et de femmes sur le plan matériel coïncide avec mon temps. C'est en relation avec mon temps. Mais mon temps n'est pas le temps des événements. Mon temps n'est pas le temps des événements. Mon temps peut venir avant les événements, puis il peut venir au milieu des événements, puis il peut venir après les événements. Mais mon temps peut pas être connu. Mais mon temps doit venir. Mais quand mon temps va venir, votre temps va être arrivé. Vous allez être dans votre temps. Si maintenant mon temps venait trop vite, ça retarderait les événements. Les événements doivent pas être retardés parce que les événements doivent prendre place dans le monde. Mais ceux qui font partie de cette conscience doivent comprendre l'importance éventuellement de pouvoir ne pas souffrir d'interrogation, parce que je vais aller vous chercher un à un. En gros, un, je vais vous chercher. One by one. C'est pour ça que dans les années qui viennent, vous devez vous habituer à voir notre relation comme une relation de vie, mais aussi une relation d'épreuve. Les deux. De vie et d'épreuve. Parce que je suis obligé de créer un éther. J'appelle ça un éther social pour répondre éventuellement à des conditions matérielles qu'on aura de besoin. Je suis obligé de créer un éther social. De sorte que je suis obligé avec le temps de réunir des gens ensemble pour parler, pour s'amuser, jaser. Mais je suis obligé de réunir des gens ensemble. Et ma réunion des gens ensemble n'a rien à faire avec des couples. Fait que je peux très bien séparer un couple, puis prendre un avec la femme ou prendre un avec l'homme, puis dire, bon, mais viens-tu, on va genre, telle date, on va se rencontrer. Si vous laissez vos émotions faire interférence avec ça, ça paraîtra pas, parce que moi, je suis capable de cacher mon jeu. Je me forge pas. Mais automatiquement, vous me forcez à me couper vibratoirement de vous autres. Si je me coupe vibratoirement de vous autres, vous allez perdre la notion de ce que vous êtes parce que vous ne serez pas capable de pénétrer dans la notion de ce que je suis par votre propre état mental. Vous allez laisser vos émotions faire interférence avec ce que j'ai à faire. Vous ne pouvez pas faire interférence avec ce que j'ai à faire. Et c'est là que le choix se fait. C'est pour ça que le phénomène d'interrogation, c'est un phénomène qui doit être bien expliqué, qui doit être bien compris, pour que les gens puissent avancer. Parce que si vous n'êtes pas capable de dépasser le plafond que crée l'interrogation, vous ne pourrez pas avancer. Vous allez bloquer dans votre émotivité. Si je fais des rencontres entre vous autres, puis je choisis telle personne, puis ensuite j'en fais une autre, puis je choisis telle personne. Il y a des raisons là-dedans que je peux vous expliquer si vous me le demandez. Mais si vous invoquez le couple ou si vous invoquez des liens particuliers, ça ne peut pas marcher. parce que le choix est fait vibratoirement, il n'est pas fait psychologiquement. C'est pas parce que j'aime pas votre mari ou votre femme. Je ne préfère pas. Alors, je vous en donne un inter. Bessette. Toi. Toi. Daniel. Nisrao. Alain. Alain. André Chalin. Croteau. Elle, son frère. Comment elle s'appelle? Claude. Toi. T'es nommé? Toi. Colette. Claude, Fernand, Paris, il y en a d'autres qui sont pas ici t'asseoir. Elle, toi c'est sous condition, toi c'est sous condition. Tu comprends ça? Ça, c'est la prochaine rencontre chez Lise, Lise Drapeau. Il y en a d'autres, là. Je sais pas qui c'est, malheureusement, qui c'est. Il peut y avoir des délais, justement. Mais toi et Pierre, vous deux, c'est très, c'est sous condition. Toi, c'est quand t'es calme, ben calme. Pierre, c'est quand t'es ben... Ben objectif. Pas de tension émotionnelle. Ça, ça va être le premier état social que je vais créer. Ensuite, je vais en créer un autre état social, puis un autre état social. Puis c'est à partir de ces états sociaux-là qu'on va créer d'autres choses après 84. C'est comme de la chimie. C'est comme de un mélange d'éther. Puis il ne peut pas être troublé cet éther-là. C'est là que vous allez commencer à comprendre l'importance de ce que j'appelle la société anonyme. C'est là que vous allez commencer à comprendre le plaisir de vivre dans un même état. Jusqu'à temps que l'état change, l'état change, l'état change. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y a elle qui fait partie de cet état-là aussi. Pas son mari. Mais pas tout le temps, des fois. La loi de cet état-là, c'est que les gens qui font partie de cet état-là puissent mettre de l'énergie. Il faut que ces gens-là puissent mettre de l'énergie. Il faut que l'énergie puisse passer à travers leur corps. Mais pas trop. C'est correct. Nous autres, ils appellent ça une présence intelligente et sociale. Il faut qu'il y ait plus d'intelligence que d'émotion. Faut que ce soit des personnes trop cares. Tu peux te vider. Il dit, c'est subtil. Parce que si vous réfléchissez ça, puis si vous vous interrogez ça, là, il est ensemble. Il y a différents éthers. Il y en a 7 éthers différents qui vont être composés. Le phénomène d'interrogation, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que le phénomène d'interrogation va créer dans l'homme une question qui va l'amener à demander qui c'est qui va pas avec moi, qui c'est qui n'a pas correct. Ça marche pas de même. Les lois de l'état mental sont des lois totalement intelligentes. Ce sont des lois totalement intelligentes, parfaitement intelligentes. Alors, notre ego ne peut pas faire. Notre ego ne peut pas réfléchir ces lois-là. Notre ego doit être capable d'absorber les conditions de ces lois-là, sans vibrer. On a tendance naturelle à vivre en fonction de notre moi. On n'a pas tendance naturelle à vivre en fonction de notre autre moi. On a tendance à vivre en fonction de notre petit moi. Tu demandes des questions, tu demandes quoi? Tu n'as-tu des listes? Et non? Dis-moi les autres. Non. Les autres. Les autres, ceux que j'ai pas nommés. Marie-Soleil, Jean Cupelletier, ouais. Lise Boivin. Ah oui, oui, oui. Très bien fort, ouais. Quel beau, hein? Ce qu'il y a d'intéressant dans ça, c'est que ce mélange d'éthers personnels-là va créer un éther particulier. Puis si on va par la logique des personnalités, on peut dire, bon, mais lui, il va pas dans cet éther-là. Mais ça marche pas comme ça. C'est la création d'un éther avec différents ingrédients qui donne sa consistance. Quitte même à retirer éventuellement un individu de cet éther-là après qu'il aura fait ce qu'il a à faire. Fait que c'est pour ça que les gens ne doivent pas se préoccuper. Il y a Fernand, si je ne sais pas, je suis nommé là. Les gens ne doivent pas se préoccuper s'ils font partie de cet éther-là ou non. Sans ça, vous allez avoir des mots de distance sur le. Puis moi, mais je suis obligé de le faire. Fait que je le fais. La vie haute, sa femme. Dans le passé, on vivait notre vie, ou on vivait notre vie sociale, ou on vivait notre vie ésotérique ou occulte en fonction de nos personnalités, en fonction des personnalités ou en fonction du corps de désir, et ainsi de suite. Mais dans l'avenir, on ne vit plus et on ne peut plus vivre notre vie en fonction de ça. On vit notre vie en fonction de l'énergie qui est plus ou moins développée dans l'état mental de chaque personne. C'est ça qui deviendra notre force. C'est comme un gâteau à 7 étages. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement, il y en a qui ne peuvent pas passer d'un étage à un autre parce que ce n'est pas une affaire d'état. Ce n'est pas une affaire d'état. C'est une affaire d'énergie. Et l'accroissement de ces états-là va créer, non pas sur le plan social, mais va créer dans la vie individuelle de chacun une nouvelle coloration de leur corps astral. Ça va recolorer le corps astral, ça va changer la vibration du corps astral. Ça va diminuer l'influx des pensées subjectives, personnelles. Ça va augmenter le rapport entre les individus à un très haut niveau. Dans l'état mental, en fonction avec l'état mental, la loi du couple n'existe pas. Ta femme est là-dedans. La loi du couple n'existe pas. C'est toujours en fonction de l'individu. Et ceux qui font partie d'un état et qui ne font pas partie de l'autre état devraient s'interroger intérieurement, autrement dit, parler avec eux autres pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ne font pas partie de tel état et surveiller bien la réponse. Check la réponse. Mais assurez-vous de ne pas recevoir une réponse qui n'est pas intelligente. Assurez-vous de recevoir une réponse qui est intelligente. Sans ça, ils vont vous faire patiner. Parce qu'ils peuvent vous donner une réponse qui n'est pas intelligente. Là, à ce moment-là, ils vont vous faire patiner. Là, vous allez avoir des tensions. Parce que la réponse intelligente que vous devriez avoir de l'état mental, c'est toujours une réponse qui sera conforme à votre intelligence et elle sera facilement absorbable par vous au niveau de l'ego. Ça sera raisonnable, ça sera intelligent, ça a du bon sens. Je vais revenir un peu sur le phénomène de la pensée. Vous réaliserez éventuellement que toutes vos pensées vous sont données pour vous entraîner de plus en plus dans l'émotion. Et plus vous allez aller vers l'état mental, plus vos pensées vont vous être données pour vous entraîner dans l'émotion. C'est là que vous allez commencer à sortir de l'émotion. Il faut que vous viviez intensément l'émotion créée par tout ce qui va venir pour sortir de l'émotion parce que vous ne pouvez pas sortir de l'émotion par vous-même. Vous ne pouvez pas sortir par l'émotion par vous-même. Vous avez bien plus d'émotions que vous pouvez vous imaginer. C'est parce que vous ne la vivez pas, votre émotion, en relation avec l'état mental. Vous vivez votre émotion en relation avec votre personnalité, il n'y a rien là. Mais quand vous allez vivre l'émotion en relation avec l'état mental, vous allez voir jusqu'à quel point vous en avez de l'émotion. C'est là que vous en arrivez à pouvoir mesurer jusqu'à quel point vous êtes mental et objectif. Mais tant que vous n'avez pas contact avec l'état mental ou des décisions qui proviennent de l'état mental, vous ne pouvez pas avoir d'idée jusqu'à quel point vous avez de l'émotivité. Même si vous pensez que vous êtes mental, vous allez voir que vous n'êtes pas aussi mental que vous pensez. Puis le travail commence. On est en 1982. Et la relation entre l'homme et les forces, c'est pas une relation, c'est pas une relation spirituelle. C'est loin en maudit de ça. C'est une relation d'énergie. C'est une relation d'énergie qui crée de l'intelligence pure dans l'activité. C'est pas une relation autre que ça. C'est au cours de ces mouvements-là, au cours de ces relations entre l'état mental et ce que l'état mental va nous imposer à tout le monde, à vous autres comme à moi, que vous allez réaliser jusqu'à quel point vous avez de l'émotivité. Et jusqu'à quel point votre émotivité crée la corrosion de votre intelligence. Moi, je peux pas avoir de sentiments personnels envers vous autres. Vous dites, mais elle est fine, moi, la vie est fine, puis il devrait venir. Ça ne marche pas de même. Sans ça, je retarderais vos évolutions. Vous allez voir que le phénomène d'interrogation, c'est un phénomène qui est profond, c'est comme une vis qui tranche les couches de la conscience humaine et qui apporte en surface, comme une vis qui rentre dans le bois, les pièces de bois qui sont détachées de la pièce principale. Autant on a été impliqué dans le passé dans les sentiments qui nous permettent de couvrir, de voiler notre état mental, autant dans l'avenir, il ne sera même pas permis de voiler notre état mental. Parce que dans l'avenir, lorsque les événements mondiaux vont se manifester dans le monde, il y aura un très, très petit nombre d'hommes sur la Terre qui pourra se mettre en contact avec un nombre plus grand d'hommes sur la Terre. Très petit nombre d'hommes. Mais il faut dire ça qu'à la fin du cycle, ainsi de suite, là, il y a du monde qui vont être conscientisés, il y a du monde qui vont être absorbés dans des systèmes et des mondes. Ça, c'est de la poésie, ça. C'est de la poésie ésotérique, ça. C'est de la poudre aux yeux de l'homme. Ce que vous avez lu dans les livres depuis des années de temps. C'est de la poudre. C'est pour vous donner le courage d'évoluer spirituellement. Ça. Mais ça se fera pas comme c'est écrit. D'ailleurs, ça se fait jamais comme c'est écrit. Il y a une différence fondamentale entre ceux qui sont dans l'état mental et ceux qui ne sont pas dans l'état mental sur toute la planète. Et la différence de celle-ci, c'est que ceux qui sont dans l'état mental sont obligés de supporter le poids de leur état mental. Autrement dit, ils sont obligés de vivre les conditions de l'état mental. Autrement dit, ils n'ont aucun support psychologique autre que la connexion entre l'état mental et leur principe inférieur. Sans ça, vous tombez dans la trappe aux grenouilles, qui sont tous les mouvements, toutes les sectes dans le monde, les témoins de Jéhovah, les mormons, les évangélistes, vous tombez dans cette trappe-là. Il n'y a aucun homme qui peut vous donner la sécurité dont vous avez besoin. Aucun. Même pas moi. Même pas moi. C'est dans votre état mental que vous irez chercher la sécurité dont vous avez besoin. aucun arbre qui peut vous donner cette sécurité-là. Tout ce que je peux faire, moi, c'est de vous indiquer comment ça marche. Vous amener petit à petit à ça. C'est tout. Mais je peux pas vous donner cette sécurité-là. C'est pour ça que je peux pas vous parler comme les hommes ou les maîtres parlent aux hommes. Tant qu'on n'est pas dans l'état mental, on n'est pas conscient d'où on s'en va, ou où on s'en va. Puis il faut que les gens en arrivent à être conscients où ils s'en vont. Et cette conscience-là fait partie de leur état mental. Alors cet état mental-là doit être construit, doit être élevé en vibration, doit être conscientisé. On n'a pas de choix. Les forces ont besoin d'une certaine quantité d'énergie sur le plan matériel en relation d'un certain nombre d'individus pour commencer à fracturer lentement les couches d'énergie dans le mental inférieur de l'homme à l'échelle de la planète. Pour diminuer la polarité entre les forces, pour se commencer à se frayer un chemin. Ensuite, ils vont faire une voie astrale. Mais tant que l'état mental n'est pas créé sur la Terre, ils ne peuvent pas descendre. Alors, notre travail, notre vie, notre évolution, si vous voulez, notre le développement de notre intelligence à nous autres, l'intelligence personnelle totalement autonome, indivisible, est essentielle à la survie de la planète. Les questions dans notre tête ne peuvent plus répondre aux questions dans notre tête. Attends. Ça, c'est notre point. Les questions dans la tête ne peuvent plus répondre aux questions dans notre tête. Parce que les questions dans la tête sont déjà dans notre tête en relation avec le passé, la mémoire et les intelligences qui fracturent notre relation avec l'état mental. On ne doit plus être capable d'en avoir de questions dans notre tête. On doit être capable simplement de savoir où on va. Autrement dit, on ne peut plus fonctionner en fonction d'intelligence. On doit fonctionner simplement en fonction d'énergie. C'est ça l'état mental. L'intelligence nous retarde parce que l'intelligence est réfléchie en nous. C'est pour ça que je disais à Claude la soirée, il commence à perdre graduellement la conscience de son savoir intérieur. On n'a pas besoin de savoir, on n'a pas besoin d'avoir de savoir intérieur. Le savoir intérieur fait partie d'un état inférieur, très spiritualisé, qui fait partie de l'expérience astrale, qui fait partie du fait qu'on est obligé de sortir de nos corps parce que, à cause de l'intensité vibratoire de notre conscience. Mais éventuellement, on n'a plus besoin de conscience, on n'a plus besoin d'intelligence intérieure. Parce que l'intelligence intérieure est toujours un parapluie contre l'état mental. C'est un parapluie dans lequel il y a de l'émotivité, il y a de la spiritualité, il y a des intentions, il y a des buts. Dans l'état mental, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'émotivité. Il n'y a pas de connaissance dans l'état mental. C'est quand il pulse, quand il fonctionne, qu'il crée ce qu'on appelle de la connaissance. En lui-même, il n'y a pas de connaissance. Alors, ces réunions-là vont commencer à créer un état mental collectif. Et cet état mental collectif-là va devenir de plus en plus puissant. Il y a d'autres personnes qui se grefferont à lui éventuellement. Les gens ne peuvent pas avoir une vibration. C'est pas parce que vous êtes marié que vous avez nécessairement la vibration de l'état mental qui est nécessaire pour créer cet état mental collectif.